Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Bienvenue tout le monde et merci d'avoir choisi Indestar en ce lundi soir. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril de l'année 2021. Nous le savons parce que nous sommes à la maison. Émission à la maison. Avec on aurait pu être en 2020 si on était à la maison. C'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'on pourrait être en 2020 aussi. Mais bon. On pourrait être en 2022 ou en 2023 aussi. J'espère pas, Teddy. Parle pas de malheur. Eh non, nous serons bientôt tous de retour en studio, évidemment. On va inventer une machine pour. En fait, on va inventer une machine à remonter dans le temps. Tu veux pas inventer une machine qui enlève le Covid simplement? Ça sera plus simple. Mais justement, on va inventer la machine à remonter dans le temps. Ah et oui. Comme ça, on va revenir avant le Covid et on va tuer toutes les chauves-souris ou toutes les pangolins. Les pauvres. Non, je plaisante évidemment. Et ou inventer un vaccin dès le départ, tu vois, sur la première personne. Comme ça, paf, pas de Covid. On fait exploser un pays. Quoi? Non, non. Toujours pas. Surtout pas la Chine en plus, t'imagines le nombre d'habitants qu'il y a. Non, non c'est une très mauvaise idée. Finalement, le coût de l'invention de la machine à remonter le temps n'a pas que des avantages. Et on va voir d'ailleurs tout au long de cette émission, parce que la transition est bien faite, mais c'est une émission sur les inventions, qu'il y a beaucoup d'inventions comme ça, qui au départ n'étaient pas forcément des mauvaises inventions en soi, tu vois, l'intention était bonne. Mais le vice de l'homme fait qu'à un moment donné, on l'a déformé et que ça a donné lieu à bah, pas mal de choses, notamment assez quand on a inventé les concombres. Ouais, alors je voyais pas ça comme ça, mais j'avais pas cet exemple-là en tête, tu vois. Ah, mais, moi, quand t'as dit vice, tu vois, ça va tout de suite parler normal. J'étais plus sur bombe nucléaire ou ce genre de choses, tu vois. Ah ouais, mais ça, c'était forcément pas bénéfique de base. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a d'autres choses. On parlera tout à l'heure des inventions les plus dangereuses de l'histoire. Et c'est pas les concombres, effectivement. Il y a certaines choses, des fois, qui, à la base... bon, je vous en donne un vite fait. La bombe à poivre, par exemple. À la base, c'était pour éloigner les facteurs. Pour éloigner les facteurs. Non, pour éloigner les chiens des facteurs, de l'attaque des facteurs, tu vois. Ah ouais. Et puis à un moment donné, le FBI il s'est dit, ça fait une bonne arme. Mais si ça se trouve, je dois utiliser de la bombe à poivre chez moi. Parce que le facteur, le facteur n'est pas passé. Bah oui, j'ai toujours pas reçu une petite amende que j'attends. Ouais, ça va, tu vois. Si... Mais ouais, je suis content d'une certaine manière. Hein. Si les amendes ne passent pas, je me plaindrai pas personnellement. Vous savez ce qu'il faut faire, utiliser de la bombe à poivre sur votre boîte aux lettres. Ne le faites pas. Mais il y a beaucoup d'inventions. Même, regarde, tu prends les réseaux sociaux. Invention géniale, dans un sens. Oui. Mais souvent, comme beaucoup d'inventions. Le vice vient t'as toujours, après. Ouais. T'as toujours le côté revers. Vicieux. Et encore une fois, c'est l'être humain qui l'invente, ce vice. Bah oui. Celui qui l'invente, il dit c'est une invention géniale. Puis l'autre, il se dit on pourrait faire ça avec ça. Et puis voilà, et ça en fait une invention. Mais c'est une partie de création. Parce qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a la partie j'invente quelque chose de totalement nouveau. Oui. Et la partie je prends quelque chose qui existe et je le modifie et j'en fais quelque chose de nouveau encore une fois. Ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi. Mais on peut faire quelque chose de nouveau, de bénéfique pour l'humanité. Ah ouais, mais c'est. Le souci de bénéfice. Ouais, c'est pas tout le monde. Il y en a qui se disent, on peut se faire de la thune, donc c'est ça qui compte, évidemment. Voilà. Bon, vous l'avez compris, ce soir, on parle invention. On aura aussi. Alors, vous attendez à avoir un quiz en fin d'émission, parce que c'est de tradition. Eh bien, figurez-vous que non, il n'y en aura pas. Voilà. Parce que, vu qu'on est une émission sur les inventions, je me suis dit, on va se réinventer aujourd'hui. On va se réinventer. Plutôt que de faire un quiz traditionnel avec 7 questions, 3 possibilités de réponse, une seule de bonne et un Jolan qui perd. Déjà, Jolan n'est pas là ce soir, on l'a expulsé. Il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Mais surtout, voilà, je me suis dit, on va inventer un autre jeu qui est encore bien plus difficile et bien plus absurde que le quiz habituel. Camelot. Voilà, c'est une sorte de Camelot qui a quand même un sens, hein, vous verrez. Mais le niveau de difficulté est tout en haut. Tu vois, question pour un champion. Ouais. Bah, c'est au-dessus. c'est largement au-dessus, Julien Lepers, si tu nous écoutes. D'ailleurs, c'est plus Julien Lepers, mais je crois que. Il est reparti dans son pays. Attends, je vais pas dire une bêtise, mais. La Perse. Julien Lepers. mais je sais pas si c'est question pour un champion ou un autre jeu qui va t'arrêter. Non, je crois que c'est Les Amours qui va t'arrêter. Il y a un jeu comme ça qui va t'arrêter. C'est Bruno de Fun Radio qui fait Les Amours. Oui, et ben je crois que le jeu va être arrêté. Parce que c'est plus. C'était comment Tex. Tex, ouais. Tex Avery. Tex Avery, évidemment, on avait tous. Oui, maintenant c'est Bruno Guillon qui fait Les Amours, mais je crois que le jeu va être arrêté bientôt. Ça donne un petit coup de jeune, mais tu vois, sur France 2, mettre ça, tu vois. Poussiéreux comme jeu quand même. Ouais, en même temps, ça a toujours bien marché. Mais. Ouais, mais il y a que les petits vieux qui regardent ça. Oh bah ouais, mon arrière-grand-mère regardait ça. Donc effectivement, ça rentre bien dans la cible. Pour le coup, 95 ans, elle a regardé Les Amours. Mais c'est marrant. C'est marrant, les amours. Je pourrais en tirer des perles. Il y avait les fameuses disputes. Moi, c'est ce que je voyais souvent, les petits top 20 des disputes. Les perles, ça, évidemment. Ah, bah, oui. Ça, c'est le meilleur. Bon, en invention, Teddy, est-ce que t'as déjà inventé des choses ? Depuis qu'il était tout petit, hein. Je dirais que oui. Oui. Je dirais que j'ai inventé des méthodes. Oui. Des méthodes d'organisation au travail. Ah, si ça, ça annonce ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Dieu ? Non. Mais les méthodes d'organisation au travail, tu sais, les méthodes de management, etc., ça porte un nom. Je dirais que j'en ai inventé quelques-unes dans mon domaine, hein, la boulangerie, évidemment. Parce évidemment. Comme on le rappelle. C'est comme avant les vacances, hein. Teddy n'a pas changé de travail, il est toujours boulanger. Je suis toujours boulanger. Et donc, ouais, je pense que j'ai inventé pas mal de petits concepts. Alors, rien de foufou non plus, hein, parce que j'ai pas révolutionné la boulangerie. Mais je pense que j'ai inventé des petits trucs. Tu peux nous donner un exemple ou c'est top secret ? C'est top Teddy. Oui, si, j'imagine. Alors vas-y, on s'imagine. Imagine la scène. Mets-nous dans le contexte. Justement, c'est là que ça va être compliqué. Est-ce qu'on a 15 minutes ? Alors peut-être pas. Ouais. Parce qu'on a envie d'écouter la nouvelle reprise de Janelle Garcia dans un instant qui reprend à ses décès et ça donne envie. Mais effectivement. Avant, je veux une méthode à la Teddy. On va essayer de faire bref. Oui. On va dire que quand t'es boulanger, t'as des organisations assez simples. Mais tu dois être rapide, efficace et pas cher. Voilà. Mais tu as toujours moyen de te réinventer en changeant l'ordre des choses. Oui. En faisant d'une autre manière, en faisant, comment dire, genre tu mets au four avant de façonner. Alors tu vois, même l'agencement d'ailleurs de la boulangerie. Ça a vachement d'importance. Les chiffres aussi. Ouais. Quand tu modifies tes chiffres de recettes et tout ça, tu peux arriver à des trucs plus précis et donc gagner un peu en efficacité. Alors je comprends pas les chiffres de quoi. De peser, quand par tu exemple. Dis oui de recettes, c'est pas les recettes financières, c'est les recettes de pain. Par les recettes exemple. De oui. pain. Ouais. Oui. Tu peux, quand tu modifies ton organisation, tu peux arriver à te dégager du temps. Mm-hmm. Et c'est souvent l'une de mes principales recherches. Hein, c'est ce que je fais généralement dans la boulangerie. Je cherche toujours un moyen de gagner du temps pour pouvoir et soit le faire temps, autre chose. C'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc après, tu trouves des nouvelles choses à faire. Genre par exemple des croutons. Oui. On n'en faisait pas avant, là on en fait. Ça fait gagner quand même presque 200 euros par mois à l'entreprise. Ah, tu rapportes du fric à ton entreprise. Je rapporte du fric. Je suis pas corporate, mais... Un petit peu quand même. Ouais, tu vois. Dans l'objectif d'être augmenté ou dans l'objectif de faire plaisir à ta chef ? Ouais, je fais plaisir. Franchement, c'est cadeau. Allez, c'est cadeau, allez. Bah, je le fais tranquille. Ouais. Ah, t'es un bon employé. Ouais, c'est ça. Est-ce que Daniel est un bon employé aussi ? Ah ouais, c'est un bon employé. Tu parles pour toi ou pour Teddy ? Salut, vous m'excuserez, je me réveille, la connexion a été difficile. Ah ben on... C'est dur ce soir. On pense bien qu'à 21h12, c'est le grand réveil de Daniel. Ah ouais, non, mais je vais vous expliquer. J'ai inventé un truc, je me suis dit... T'as inventé l'oreiller. Les ours cyber... La sieste. Mieux que ça, je me suis dit, les ours cybernes. Oui. Ah, ils font de l'hibernation. Alors moi, j'ai été 15 jours en paquination. En paquination. C'est... Ah oui, c'est oui, la j'ai Pâques. Dormi 15 jours. Bah oui, pour Pâques, oui. Oui. Trop de chocolat et après 15 jours. Est-ce que ça a un rapport avec le Pakistan ? Mais non, ça a un rapport avec Pâques, évidemment. Et pour en revenir par rapport à ce que tu disais, toi, t'es dit sur l'organisation, j'avais vu un. Alors, c'est pas un reportage, c'est un film, on va dire un film historique reportage qui est sur Netflix. Alors, j'ai plus le nom, mais qui est sur l'histoire de McDonald's. Et ils se sont fait clairement piquer des idées hein, chez McDo, mais en tout cas, tu les vois au départ comment ils inventent leur concept. Le concept et surtout l'organisation afin d'optimiser au maximum l'agencement et la conception aussi des hamburgers. En fait, c'était vraiment standardisé. Ouais. C'était 3 gouttes de ketchup et pas 4 ou pas 2. Tu vois, c'était vraiment hyper précis. Histoire d'être le plus efficace possible. Efficace. Ouais. Et puis que on va dire que le produit soit vraiment toujours standardisé au maximum, soit toujours le pour même. Pour qu'il soit le plus régulier possible. Voilà, pour qu'en fait l'adhésion des clients soit maximum et que les gens qui ont aimé le produit peuvent revenir et ne soient pas déçus du prochain produit parce que ça sera exactement la même chose. Je pourrais dire du coup qu'en termes de... Que ça soit la boulangerie ou McDo, on a un point commun du coup. Parce que souvent la boulangerie, on essaie toujours de faire la même baguette. Oui. Parce que la baguette de pain, très chère au cœur des Français évidemment. Ah, bien sûr. Faut pas qu'elle change, surtout pas. Si ta recette marche, tu la changes jamais. Ouais, bah ouais. T'essaies de refaire le même pain tous les jours. Bah c'est normal, si parce que si tu vas au pain tous les jours et que t'as aimé et que tu vas dans cette boulangerie là parce que t'aimes le pain, t'as pas si envie t'as que. Malheur. Bah ouais, un jour c'est différent. Ouais, c'est quoi ce bordel machin. Tu vois, le français râleur. Ok. Du coup, je pourrais rajouter un petit point. Il faut bien montrer qu'on est râleur quand même. Bah ouais, un peu. Je pourrais même rajouter un petit point. Dans la boulangerie, t'as du pot dans la boulangerie quand même. C'est que t'as pas la sauce à faire tous les jours. T'as que le pain. C'est vrai que j'ai pas la sauce, mais ouais, j'ai été en cuisine aussi, du coup je sais que la sauce aussi c'est chaud. Ouais, faut faire exactement la même dose et tout. C'est... Puis, et en plus, pour optimiser, si tu veux vraiment faire une sauce qui soit la même, il faut des doseurs en fait. Tu vois, il faut des doseurs, il faut alors pour faire une sauce, je sais pas, on va dire un bouillon, généralement tu mets tes déchets de viande, genre les os et tout ça, et après tu filtres évidemment, mais ça donne du goût, du coup il te faudrait la même viande. Ah ouais, ça les c'est mêmes plus chiant. Ça, tu peux pousser le vice très loin comme c'est ça. Sûr. Mais quand t'as une sauce avec les mêmes produits, il te faut des doseurs pour dire ouais, je prends deux trucs de mayo, deux trucs genre, de. Il faut tant de poids de carcasse. Ouais, et tout ouais, ça, c'est ça. Ouais. Et je rajouterai un petit point, je sais pas si c'est un coup de gueule ou quoi que ce soit, mais je dirais dans beaucoup de métiers comme ça, artisanal, il faudrait se poser de temps en temps. Prendre du recul et dire comment je pourrais faire mieux. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne font pas ça. Et du coup, ils s'enlisent un peu dans leur routine. Ouais, et bah ils deviennent des vieux boomers. non, mais clairement, ils deviennent. En gros, c'est leur méthode. Enfin, ce qu'ils font, c'est ça jusqu'au fond de leur. Ça, c'est le problème, je pense, de tout travailleur en règle générale. C'est-à-dire que quand t'es un peu ce qu'on appelle la tête dans le guidon. Ouais, c'est ça. Tous les jours, tu fais ton taf, ta journée de travail, et en fait, t'as pas le temps de prendre un peu de recul pour te dire. Mais ils l'ont peut-être même pas pris au début, c'est ça le pire. Ouais, bah... Ils ont été formatés à dire tu fais telle tâche comme ça et tu réfléchis pas. Bien sûr. Ouais. Mais réfléchissez un petit peu et vous verrez que vous pouvez gagner. Beaucoup de choses en fait. Enfin, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez gagner en efficacité, vous pouvez gagner en santé aussi, en prévention, ça dépend. Bon, peut-être pas en argent, parce que si vous faites gagner du pognon au patron, il va peut-être tout se mettre dans la poche. Et bien théoriquement, si vous lui montrez. Alors oui, ça dépend du patron, mais si vous lui montrez que vous lui faites gagner quand même beaucoup d'argent. Que l'invention sur le travail a rapporté. Ouais, faut montrer qu'on est indispensable. Ouais, c'est ça. Faut montrer qu'on existe et que c'est nous qui avons fait ça. Ouais, ça, faut breveter. On va parler des brevets tout à l'heure. Daniel, tu as des. Inventions depuis ta naissance, est-ce que tu as inventé des choses ou optimisé quelque chose? La sieste. Oh, mais attends, moi je fais ça. Oui, la sieste, déjà, j'ai inventé la paquination la dernière monde. Hein, c'est vrai. déjà, ça c'est la dernière. Oui, autrement, oui, j'ai inventé des trucs, oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose. Ben, je le dirai pas. Mais quelque chose qui t'a marqué, que t'aimerais partager? Alors, à la limite, il y en a deux, parce qu'on m'a dit, franchement, c'est complètement inutile. Hein? Oui. C'est souvent, d'ailleurs, et puis les inventeurs disent, zut, alors, je me suis embêté. J'avais même déposé un brevet. Ah ouais? Mais là, par contre, je me suis fait avoir par la réglementation. Mm. Parce qu'à une époque, on avait des cordons, là, au niveau des capuches. Oui. Qu'il y a eu des étranglements. Donc, moi, j'avais trouvé un système qui permettait de régler les cordons et de plus avoir ce problème. Seul manque de peau, je dépose le brevet. Dans la semaine qui a suivi, la législation interdit les cordons. Mince. Allez, ça c'est le coup bête là. Ah bah, il a trouvé la solution, mais un problème qui n'existe plus. c'est ça. Voilà. J'ai une super invention à un truc qui n'existe plus. Quand il y a un problème, ils suppriment le problème. Bah là, en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. Ça règle le problème. Ouais. Et la deuxième, c'était quoi? C'est une petite histoire. Alors, j'ai fait aussi électricien bâtiment. Oui. Et électricien bâtiment, t'as souvent, quand c'est des entreprises, à passer les câbles dans les faux plafonds. Oui. Ouais. Et donc, alors on prend ce qu'on appelle un tube, les tubes. À l'époque, c'était les normes Miro. Je sais pas si c'est toujours ces normes-là parce que j'ai un peu lâché ce métier-là depuis. Mmh. Des gaines. Oui, des gaines rigides, tu sais, qu'on met en apparent sur des petits clips quand c'est un câblage électrique apparent. Bon, il fait 2 mètres, ça permettait pas de soulever toutes les plaques. Et moi, un jour, je me suis dit, je vais venir. J'allais encore à la pêche à cette époque-là. Depuis, j'y vais plus, j'en ai marre. Faut attendre. Il y a pas chiant, de brevet pour pêcher le poisson. Ouais. Ça m'en mieux. Alors, bon. Alors, la dynamite marche par moi. Ouais, la dynamite marche bien. Ouais. Oui, ça marche très bien. Alors, le poisson qui est auprès, en général, tu le retrouves pas en bel état. Mais ah bah, faut pas vouloir le manger après, oui. Voilà. Et donc, je suis venu avec ma canne à pêche qui faisait bien 7-8 mètres parce que c'était pour pêcher en Loire assez loin. Et là, c'était miraculeux. L'équivalent d'une salle de classe, t'as même pu soulever les dalles, tu mettais ta canne à pêche dedans, tu la déployais dedans, dans le faux plafond, allais de l'autre côté, t'attachais le câble au bout de la canne à pêche, t'allais la partie opposée, et tu tirais la canne à pêche et ça venait. Le rapport entre un pêcheur et un électricien, maintenant vous l'avez. Voilà, c'est. Bah, si, tu veux le rapport entre et... un pêcheur et une autruche? Ouais. Il y en a aussi, mais je vais laisser. T'avais encore quelque chose à dire, Daniel. Je vais te laisser finir. Non, parce que ce qui est extraordinaire, c'est la réaction des gens. Tout le monde m'a dit ah, viens, mais ton truc, c'est pas con, c'est pas idiot, c'est vachement bien, là, c'est génial. Et vous pouvez en plus prendre une canne à pêche. Et c'est ça, hein, en plus, ça fait double emploi, c'est cool. Triple. Ouais, alors je leur disais voilà, vous avez plus qu'à prendre, vous avez qu'à prendre une canne à pêche et. Mais on me dit, ah bah oui, mais on va pas se trimballer avec une canne à pêche, alors on va continuer comme on fait finalement. Ah ben, ouais. Si, vous pouvez vous balader avec une canne à pêche si vous allez dans un parc à autruches ou si vous vous retrouvez en pleine savane avec des autruches sauvages. Mais parce que qu'est-ce que tu fais avec ta canne à pêche dans un parc à autruches Mon père, je sais pas où est-ce qu'il est. Animalier. Oui. Ouais. Je sais pas s'il a. Enfin, il a pas inventé la canne à pêche, mais il a peut-être inventé le concept en tout cas. Pas de la canne à pêche, hein. Oui. Mais de se balader avec une canne à pêche dans un parc à autruches parce que ça a peur de ce qui est plus haut que soi. Je sais pas s'il l'a remarqué par lui-même. C'est comme une antenne en fait. Bah ouais, en fait tu la déploies, ça fait. Ouais, bah tu gagnes facile 2-3 mètres hein, quand même. Ah oui. Et tu vois l'autruche, bah elle est là, bah ouais, elle va pas trop t'approcher, tu vois. Ouais, mais tu vois, il aurait voulu vraiment être efficace, ton père. Plutôt que de prendre une canne à pêche qui lui servait à rien au-dessus de sa tête, il aurait pris une antenne 5G, tu vois. Au moins, il était utile au peuple. Oui, mais bon, c'était plus difficile à laisser sur le tracteur avec les intempéries et tout ça, alors qu'une canne à pêche. Avec un petit orage. Ouais, voilà. Ça fait des dégâts. Donc, bon. Alors, par contre, j'ai une autre anecdote là qui est. C'est pas arrivé à moi, mais à un gars avec qui j'ai travaillé par le passé. Ouais. Qui faisait du câblage électronique et il y a ce qu'on appelle dans, parmi le câblage, donc il y a la soudure et il y a ce qu'on appelle. Attendez, pardon. Il y a ce qu'on appelle. Je taille un crayon. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le wrapping, qui est une façon de connecter sans souder, mais en, je vais dire, pour, en entortillant un petit peu le fil autour du contact. Ouais, je connais. Ah oui, ça, je vois, ouais, ouais. Beaucoup dans les centraux téléphoniques, on le voit beaucoup. Ouais, ouais. Et un jour, donc, il a une mission d'intérim où il y a des dizaines, des centaines peut-être de boîtiers comme celui-ci à défaire, et puis... Oh, bon, bah, c'était pas trop son truc, mais il se dit après tout, j'ai besoin de sous, on me propose ce boulot, je le prends. Mmh. Ouais. Et puis il fait un, deux, trois boîtiers, il dit, oh, ça commence à m'agacer. Et il crée un appareil, pour ce qu'il est, comme il nous a dit, dévrappé. Ah. Comme ça, donc il faisait plusieurs rangées, comme une fourchette un peu, en quelque sorte. Ouais, je vois. Plusieurs rangées à la fois. D'accord. Donc il fait ça. Pas bête du tout. Il fait ça. Mmh. Et puis, bah, tranquille, il passe sa mission d'intérim tranquille, peinard. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ça se promenait qu'autre chose parce que finalement, ça a été très vite. Et bah, il a fini à 11h du mat. Voilà, la surprise, 2 ou 3 ans après, qu'est-ce qu'il voit en vente? Son invention brevetée, parce que le patron l'avait vu le faire. Ah la vache, ça, c'est... Et il avait déposé un brevet. Ouais. Après, c'est vrai que toute invention comme ça, bon, y a des choses, on s'en fiche un peu, surtout que j'imagine que ton pote, voilà, ça l'a aidé pour sa mission, il était content, et puis... ça aurait pu l'aider de gagner quelques millions. Mais hein. C'est vrai que... Non, en fait, c'est que tu dois être dégoûté quand quelqu'un la reprend, bah, tu vois, sans ton autorisation, et qu'il développe un concept et que lui gagne de la thune. Et qu'il dit que c'est lui. Et puis voilà, c'est réglé. Et qui dit que c'est lui, bah c'est ça, ouais. Alors que toi, tu l'as fait pour rendre service ou pour t'aider. T'as réfléchi, t'avais un problème, t'as trouvé une solution à ton problème. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'approprie cette solution en disant, hey, c'est moi qui ai trouvé. Bah c'est et ça, bah, c'est là, t'as envie de lui dire fuck. De s'approprier le truc et de piquer l'idée, en fait, qui me gêne, tu vois. C'est pas très fair play. Non, c'est pas très fair play, effectivement. Ouais. Mais ça existe tellement. C'est pour ça que y a les brevets qui existent. Voilà, les politiciens. D'ailleurs, j'en parlerai aussi de ça parce que, comme on dit, je rendrai à César ce qui appartient à César tout à l'heure. Bon, on s'en fout, il est mort. Il a inventé la salade César, lui. Bon, d'accord, oui, César est mort. On y rentrera à sa dépouille. On va y rentrer. D'accord, mais qu'est-ce que tu voudrais rendre à César? Pardon, j'ai pas suivi. Bah, ce qui appartient à César. Ah, mais d'accord, ok, bah on lui rendra alors tout à l'heure. Ça sauf fait... que là, c'est pas César. Ça fait longtemps qu'il attend. on va écouter de la musique. Ah oui, on va écouter une reprise d'ACDC, ça fait du bien ça. Back in Black. Ouais, tu connais même l'oreille de la guitare. Ouais. C'est Janelle Garcia. J'adore cette artiste, youtubeuse, hein, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Et puis, dans cette émission à la maison spéciale Invention, dans un instant, on va parler du grand concours d'inventeurs français tous les ans, c'est le concours L'Épine. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Et oui, c'est l'émission à la maison, c'est la reprise, c'est la rentrée, c'est indestar.fr pour nous écouter, ainsi que sur toutes les applications en direct. Et puis, si vous avez envie d'écouter le replay, le podcast, il sera disponible dès demain sur toutes les plateformes, hein, que vous ayez un iTunes, que vous ayez un Deezer ou un Spotify, ou bien un podcast addict comme j'ai. Oh ouais, je dispose d'un podcast addict, attention monsieur. Tu es addict au podcast ? Je suis addict au podcast, c'est vrai, un petit peu quand même. Tu sais que, en parlant de ça... Pardon, tu voulais réagir ? Eh ben, en parlant de ça... Oui, alors vas-y, toi, en parlant de ça, on va en parler, ouais. On va en parler, hein. J'ai parlé de Villebrequin, des youtubeurs que l'émission Starter adore, on va dire, quand même. Ouais, on aime bien. Ouais, évidemment, Villebrequin, c'est une chaîne YouTube de deux petits cons qui font de la bagnole et c'est génial. C'est un peu le Top Gear français comme ça aurait pu l'être. Bah, j'en ai parlé à mon père. D'accord. Oui. Et il va sans doute regarder parce que il avait l'air d'apprécier ça. Après, il faut qu'il arrive à trouver Villebrequin sur YouTube. Là, c'est une autre affaire. Il faut lui passer le lien. Il est pas encore à ce niveau-là. Un raccourci, il faut lui mettre quelque chose. Un raccourci, déjà, c'est. Même raccourci, c'est quoi un raccourci? Ouais, bah déjà, il faut que tu le saches pour lui mettre un raccourci. Ouais. Il commence à toucher à son téléphone, tu vois, à bidouiller des trucs et tout, mais. Doucement. Moi, en parlant de podcast, Médiamétrie m'a appelé la semaine dernière. Médiamétrie, c'est la société qui gère tout ce qui est audience, notamment radio. Alors pas que, ouais. mais audience radio. En fait, l'audience radio est calculée sur du déclaratif. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle un échantillon de personnes. Par exemple, nous, Indestar, on est sur Amboise. Ouais. On va à une ville qui compte 15 000 habitants. On va appeler, je sais pas, une trentaine d'habitants, par exemple. Qui va représenter l'échantillon de la ville d'Amboise. Donc ensuite tu multiplies par et ça te fait une représentativité du territoire. Donc en gros, si t'as sur cette trentaine de personnes, il y a zéro personne qui écoute Indestar, et ben t'as zéro sondage. Ah oh, putain le con. Bah ouais. Mais là, avec un peu de chance, quelque part ailleurs en France ou dans le monde, écoutera Indestar et sera contacté par Médiamétrie. Alors ça marche dans les deux sens. Mais Médiamétrie a une audience. Enfin, tu fais des audiences au niveau national, donc au niveau du territoire français, mais tu fais aussi au niveau du local. Ouais. Donc en fait, imaginons que sur Amboise, ils appellent 2-3 personnes qui disent, parce qu'ils te citent un nombre de radios, donc tu dois dire si tu les connais ou connais pas, et puis après ils te disent, bah, tiens, qu'est-ce que vous avez écouté hier entre la matinée, l'après-midi, entre quelle heure, etc. Et tu dois dire tout ce que tu as écouté. Donc si t'as 2-3 personnes qui par exemple sur Amboise vont dire, bah, on écoute Indestar, en fait, ça fait pas 3 personnes sur les 15 000 habitants, ça représente comme s'il y avait 800 auditeurs par exemple sur Amboise. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bah wow. Alors c'est ça, bon. Ça c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, ouais. Alors, ça j'adore. Alors ça bah, fausse les chiffres. Alors oui et non, parce que effectivement pour les grandes radios au niveau national, c'est plutôt précis. Parce que un échantillon sur multiplié par le nombre de villes et puis avec des villes importantes, donc un échantillon plus important, ça te donne quand même quelque chose de précis. Mais sur des plus petites radios avec un plus petit échantillon, c'est chaud, parce que suffit que tu tombes sur personne qui va écouter ta radio, alors que si ça se trouve tous les voisins vont l'écouter, et bah tu te retrouves une année où en fait les sondages sont très mauvais. Et qui dit sondage très mauvais, en radio je vous explique un peu comment ça marche, mais en gros, sondage très mauvais égale moins égale prix de la publicité qui baisse, égale moins d'animateurs dans la radio, égale chômage, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est plus que 3 là. Voilà. Donc suffit d'un manque de chance, on va dire, au sondage, et tu te retrouves à moins de personnel dans la radio. Alors sur moi, c'est pas 30 sur 15 000. C'est forcément plus. Moins de monde dans ça, alors j'en reviens pas. C'est de la faute des sondés. Oui, oui. Bon, alors, c'est pour ça qu'on a dit séparer Jolan. C'est pour ça qu'on a séparé Jolan. Non, Jolan sera là vendredi. Mais bon, après, c'est valable surtout pour les radios dites commerciales qui vivent de la publicité, justement, ce qui n'est pas forcément notre cas. C'est vrai que nous, on vit pas. Nous, on vit pas tout court, donc ça va, tu vois. Officiellement, nous n'existons pas. Exactement. Voilà. Mais, cela dit, si on vous appelle et qu'on vous demande ce que vous avez écouté, etc., n'hésitez pas à dire que vous avez écouté Indestar. Ce que j'ai fait, hein, évidemment. Comme Théo. Voilà. Comme Théo. Et les podcasts. Alors, comptant... Médiamétrie, s'il vous plaît, je vais vous donner mon numéro de téléphone et appelez-moi. Ça fera 800 personnes de plus sur Amboise voilà. qui vont écouter Indestar. Exactement. Non, en plus, Théo, il l'a joué genre. La radio, mais attendez, ah bah évidemment, j'en écoute qu'une seule, j'en connais qu'une seule de toute façon. Évidemment. Fun Radio, Skyrock, non mais je connais pas. Énergie, jamais entendu parler. Je connais Kindestar, moi. Évidemment. Mais grande nouveauté, non, mais ça doit faire 2-3 ans où ils comptabilisent aussi les podcasts. Donc si vous avez écouté un podcast Kindestar, par exemple, vous pouvez le dire, ça compte comme de l'écoute radio, ce qui n'était pas le cas avant. Les podcasts n'étaient pas comptabilisés comme ça de la même manière. Mais du coup, tu crois pas qu'il y a un moyen de détourner les appels de médiamétrie pour qu'ils tombent sur des gens qui écoute Kindestar? Oui, mais si tu veux, encore une fois, nous ça, enfin, c'est bon pour oui, non, ça changera rien, pour la visibilité, mais c'est bon pour mais on va pas gagner plus d'argent. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Non, mais on vous incite à le faire, évidemment. Non, mais attends, imagine, franchement. Médiamétrie, ils appellent, allez, les 30 personnes d'Amboise qui disent j'écoute Kindestar. Oui, tu te rends compte, tout Amboise écoute Kindestar. On a 100% d'écoute sur Amboise, devant l'énergie, RTL2, Fun Radio et tout. Le maire d'Amboise qui nous donne les clés de la ville. Là, on fait le buzz. Là. Ah ouais, mais total. Là, c'est sûr. Fun Radio n'est pas écouté Amboise. Après, je préférais que ça soit le cas, tu vois, sur Paris plutôt que sur Amboise à choisir. Je me dis, oui. Bon. Mais bon. Ouais. De toute façon, tu sais que les petits gars de province montent toujours à Paris, donc ça va pas tarder. Ouais. Mais non. Non, et puis après, voilà, je même si c'était à Saint-Martin en Meuse, je veux bien. Du moment qu'on soit numéro 1 quelque part, ça me. Mais oui, ouais. Ça déjà. Il n'y a pas de petit tout grand victoire. Exactement. Bon, on va parler, parce que je vous l'ai promis, puisque c'est une émission invention ce soir, on va parler du concours L'Épine, qui est le plus grand concours d'innovation en France, enfin, période Covid évidemment, hein, parce que le dernier date de 2019 pour le coup. Ouais. Mais chaque année, on a des inventions comme ça, françaises, qui sont montrées au concours L'Épine, qui gagne le concours. Ça envoie du lourd. Ouais, ça envoie du lourd parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déposées au concours L'Épine. Par exemple, le stylo à billes en 1919. Le fer à repasser à vapeur, qu'on utilise tous, en 1921. Le moulin à légumes, en 1931. Le mille-borne. Le mille-borne, il a été déposé en 56. J'adore ce jeu de société. Les lentilles de contact aussi, ça c'est en 56 également. Voilà, comme le mille-borne. C'est à peu près sur le plan d'égalité en termes de bénéfices pour l'humanité. En tout cas, ouais, il y a eu plein de choses. Je peux vous en donner d'autres d'ailleurs si vous voulez. Non, mais attends, je voudrais intervenir et faire une précision quand même. Oui. C'est complètement dingue. Pour bien voir les mille-borne, ils ont inventé les lentilles de contact. C'est quand même évidemment. Et tu vois, la même année, ils se sont dit, ouais, moi j'ai inventé le mille-borne, oui. Et toi Gérard, bah ouais, ah ouais, on va faire un business ensemble. Non mais c'est clair. Voilà. 1901, alors je crois que 1901, ça doit être la première année du concours L'Épine. On a inventé le mécano, tu sais, le jeu de construction mécano. Ah ouais. Ouais, c'était en 1901, ça date. Hein. C'est, par exemple, le mécano, voilà, est vachement plus récent, plus vieux, pardon. Que le stylo bille. Ou que les Lego, ou même. Oui, que ouais. Les Lego, ouais. Ah, non, les Lego, on n'avait pas fait au concours L'Épine parce que c'était pas France. Non. Voilà, bah, c'est dommage. Qu'est-ce qui. Le moteur à deux temps en 1910. Mais c'est français. Ben, il faut croire. Mais c'est bien. En tout cas, ça a été présenté au concours L'Épine. Ah oui, c'est peut-être pas français, c'est peut-être juste. Ouais. Le monsieur Labrousse, je l'adore celui-là, il a inventé le lave-vaisselle. Oh, je chiaille. Ah oui, c'est une valeur en ce cas. C'est en 1912. Oui. La vaisselle. Ouais. Et d'ailleurs, en 1918, il y a Monsieur Loge, c'est pareil, on peut le chérir. Hein. Bon, le matelas pneumatique, ça c'est bien pratique quand tu vas en camping, mais la machine à laver en 1918. Ouais, c'est pratique aussi. Hein. Ah, c'est très pratique. Avant, il y avait les lessiveuses, mais c'était quand même bien plus galère. On se rend compte que maintenant, on a tous plus ou moins ça chez nous. Bah ouais, non, c'était vraiment des. Alors, machine à laver, on a quasiment tous machine à laver. Ouais. Alors que tu vois, monsieur. En ce qui concerne, c'est plus que moi, hein, d'ailleurs. Hein. De... Ouais. Mais j'en ai plus que moi de machine à laver, de laveur. Ouais, ça. Parce que. Ah, parce que il a dit plus ou moins, on a tous plus ou moins ça chez vous. Ah chez oui. Ouais, mais c'est parce que. Plus que moi, hein. Oui. Oui, mais c'est parce que par exemple, moi j'en ai plus de une, tu vois. Ouais, bah, j'en ai 3 ou 4. Il y en a 4 dans son appart. Il y en a qui en ont. Alors, machine à laver, je sais pas. Mais tu les collectionnes? Tu collectionnes les inventions? J'aime bien garder. Non, bien alors, garder. C'est que je suis particulièrement fan du gars qui a inventé machine à laver. Non. Et la tondeuse à gazon en 1930, c'est Monsieur Poulain. Bravo à lui, Monsieur Poulain. Non, il a inventé le chocolat aussi. Chocolat Poulain. Alors que tu vois, Monsieur Cornibert, par exemple, bon, c'est certainement un inventeur de talent en 1929, mais il a inventé le couvercle chauffant électrique. Tu vois, lui, on l'a un peu moins dans nos vies de tous les jours. Ah ouais, non, lui, il est mort. Enfin, ah ouais. Son invention aussi, elle est morte, hein, là, clairement. Je suis en train de regarder. Non, mais il y a plein de choses. L'humidificateur d'air, par exemple, c'est en 1936. Le déshumidificateur. Ouais, le déshumidificateur d'air. Ah bah, là, c'est l'humidificateur d'air. C'est le principe inverse. Alors, ça doit être utilisé dans certains cas, mais... Ah, c'est vrai que moi, je pensais au déshumidificateur, effectivement. Ouais, théoriquement. Là, ils sont plantés dans le truc, mais... comment... Hé, hey, t'as des champignons. Oui, j'ai un humidificateur d'air. Non, mais justement, pour faire une culture de champignons. Ah bah, pour faire, si tu veux faire des champignons, oui, c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Ouais, des bras hydrauliques, des escaliers escamotables. Il y a plein de trucs un peu barrés aussi, et c'est ça qui est génial, c'est que tu vois au concours Lépine. Moi, j'adorerais aller à un concours Lépine pour voir toutes ces inventions. T'as les derniers en ligne ? Parce que moi, en fait, j'ai souvent des vidéos sur mon Facebook qui apparaissent justement de ce concours. Souvent les gagnants ou. Alors, ou oui. Le... Oui. On dirait, si tu veux, tu sais ce qu'on va faire ? J'ai concours 2019. On va juger ensemble l'intérêt des inventions de 2019. Oh, ça, c'est bon, ça. Ah, alors. Inutile. Après, c'est un jugement très personnel. Vous avez le droit à la maison de voilà de pas être d'accord avec nous. Alors, nous avons par exemple le premier, c'est le ventilateur silencieux et économe. Alors, je vous en dis un petit peu plus. C'est un ventilateur connecté. Évidemment, on est en 2019. Un certain Stéphane Tirouin, qui l'a inventé. Donc, il agit de manière autonome grâce à ses capteurs pour harmoniser la température d'une pièce. Il est silencieux. Il mesure les écarts de température entre le sol et le plafond et se met en marche pour établir une harmonisation de la masse d'air par une convection lente et discrète. En gros, c'est bah, il se met en marche tout seul quand il faut, quoi. Et ouais. En plus, il est discret. Et il calcule en fonction de la température et tout ça. Ouais, bah, alors, c'est peut-être pas une invention très très ouf non plus, non, qui va révolutionner un truc, mais c'est une invention qui avait le mérite d'être inventée. Enfin, qui a le mérite. On met un validation à une des stars. Ouais, petite validation des familles. Allez, validation. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse de mon confrère. Bah, je crois que t'étais entièrement d'accord avec Lana Del Rey, je le comprenais pas. Lana Del Rey est d'accord avec Teddy aussi. Évidemment. Non, mais là, je viens d'inventer un mot, c'est pour ça. On a en deuxième invention une ceinture de cuisson. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Tu peux cuire sur ton bide. C'est l'entreprise Panda Fuji. Alors, ça tu la mets autour français, de ta casserole. Ouais. C'est made in France, évidemment. Réduire la consommation d'énergie. C'est réalisé à partir de liège. En fait, tu la mets autour de ta casserole et ça évite la déperdition de chaleur. C'est pas autour du bide ? C'est non. Pas autour du bide ? Non, c'est autour de ta casserole. En gros, ça évite que la chaleur, parce que c'est vrai qu'une casserole. Ça perd de la chaleur par rapport au métal. Ouais. Et du coup, là, ils ont mis une espèce de ceinture protectrice autour de la casserole pour éviter que la chaleur se dissipe et du coup, elle reste à l'intérieur. Du coup, ça doit cuire plus vite. Ouais. Et plus elle est étouffée et. Exactement. Ça doit durer moins longtemps, donc économie d'énergie. Et en économisant l'énergie, puisque tu utilises moins d'énergie. C'est pas mal, mais je me dis personne. Et surtout conserver la chaleur. Qui a été créé au moment du chauffage. Moi je dis validation, mais en plus, je me demande pourquoi personne n'a créé avant de casserole avec une couche hermétique pour garder la chaleur. Il y en a des casseroles comme ça, mais justement, c'est ce que je suis en train de penser. Je suis un peu mitigé, un peu comme les robinets d'eau. comment dire, liège. Que t'as des robinets. Ça brûle, ça, le liège. Ouais, non, c'est à partir de liège, de matière recyclée, de tissu. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça brûle aussi. Ouais, d'accord. Bon, ça doit être les matières recyclées qui doivent faire. Il y a ça déjà, alors non, c'est non, flou. Ça brûle pas. Non. Mais après, c'est qu'une première impression que j'ai, évidemment, parce qu'on n'a pas utilisé le truc. Ça doit tester quand même, j'imagine. Bon, on n'est pas les scientifiques de ouf. Dire, ah, c'est le mec, il a voulu faire sa démonstration, la casserole a pris feu, c'est dommage. Mais, non, le liège étant l'écorce d'un arbre, donc c'est assimilé au bois. Oui. Et le bois, je crois, c'est quand même considéré comme. C'est pas un isolant parfait, mais c'est un bon système d'isolation thermique. C'est vrai, mais ça peut isoler, mais oui, au bout d'un moment, ça crame quand même. Ouais. Non, mais j'imagine, ça doit être conçu. Surtout si tu mets le feu, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, peut-être une casserole, mais ça devrait. Enfin, j'imagine que attends, ça coûte cher. C'est peut-être nous qui sommes cons. Parce que. Parce que nous, on est en train de penser à notre vieux brûleur gaz et tout. Mais maintenant c'est plus induction, c'est oui, plus. Oui, là c'est sur ça. Une plaque. Avec une induction, t'as pas de feu direct, donc le liège il risque pas de cramer. C'est vrai que là-dessus. C'est sur une plaque induction là. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on est con. J'ai pas pensé comme toi au gaz parce que personnellement je suis équipé de plaques à induction. Bah donc, ok. Je suis pas assez riche. Pas ça, le problème bah moi c'est plaque de gaz donc effectivement faudrait pas forcément mettre sur ma plaque. Mon état d'esprit cuistot me pense forcément au gaz mais. Dans ce cas, il faut en plus rajouter une ceinture pour protéger la ceinture. C'est ça. Elle protège. Truc en aluminium et puis après. Oh. Mais non, mais l'avantage de cette ceinture, c'est qu'effectivement, t'es pas obligé d'avoir une poêle attitrée. Tu l'adaptes sur toutes les poêles, enfin les casseroles plutôt que tu as. Donc oui. C'est ça qui est cool. Et puis même d'une certaine manière, là, c'est une recherche d'économie, oui. D'économie d'énergie et de performance qu'on veut. Donc logiquement, tu mets forcément de l'induction et pas un brûleur gaz, parce que forcément l'induction c'est bien plus efficace que le gaz. Mais qu'est-ce qu'on est con. C'est oui. Allez, validation du coup. Je pour valide, celle-ci. Je valide. On valide, Daniel. Oui. Alors j'en ai une autre. Là, je sais pas si je vais valider là. Sceptique comme la fosse. Bah ouais. Non mais c'est pas sceptique. C'est en fait je me dis l'utilité que je peux en avoir au quotidien. Déjà je bois pas de café. Ça parle de café, mais ça permet de recycler la mare de café pour en faire des. Ah. Pour en faire, ça a changé de surtout la marque de café, bravo. Pour, la en... De café, bravo. Ouais, c'est ça. Pour en faire des pailles et des couverts 100% biodégradables. Ah, si, remarque, oui. Enfin, tu. Mais t'as des couverts en marque de café. C'est que c'est cette histoire. Je suis même dans le négatif là. Moi, je suis même pas. Ah ouais, pourquoi? Parce que déjà, le café, ça me fait vomir de base. Alors, imagine qu'il y a un petit intérieur goût de café. Oh, bah, je pense pas. Non, je sais si pas. C'est recyclé, non. Je pense que non. Ouais. En vrai. Par contre, au niveau des couleurs, ça a l'air d'être un peu couleur café, quoi. Couleur, café. Donc, moi, ma question, ça, mais quel café avec tout ça, oui. Puis surtout, t'as plus simple pour recycler les marques de café, tu sais, tu le mets dans le composteur. Oui. Bah, voilà. Mais là, ça permet de faire des couverts, quoi. Bah ouais, question, mais bon. Est-ce qu'ils ont récupéré le marque de café dans le composteur au bout de 15 jours dans le composteur? Non, autre question. D'où t'as besoin de faire des couverts en marque de café quand t'as déjà des vrais couverts? Et en acier, généralement, qui est très. C'est l'avenir, t'es dit. Un jour, on aura plus de fer, on aura plus de. Voilà, on aura de la mare de café, voilà. On aura. Non, mais imagine. On parlera à nos enfants. Si on consomme de café, on fera comment pour manger? On prendra les doigts. Non, mais là, on mangera avec nos doigts, voilà. Ça, c'est l'avenir de l'avenir. Ça. On finira comme ça. L'être humain finira là où il a commencé. On a quoi? On a une. On valide du coup la mare de café ou pas, Teddy? Moi, je valide pas. Moi, je pense quand même une question. Ouais. Quelles sont les méthodes utilisées pour recycler ça? Oui. Est-ce que les méthodes sont 100% écologiques, ce que je ou si c'est polluant, ouais. Ouais. Est-ce faut pas que ça soit trop compliqué, avec effectivement. Avec le transport, avec plein de choses. Mm. L'empreinte carbone chimique. Est-elle vraiment valable? Je suis pas certain. Ouais, c'est ça. C'est effectivement. Je demande des chiffres. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser avec tous ces objets écologiques, comme la voiture électrique d'ailleurs. Mais savoir qu'est-ce que ça coûte. Non, mais ouais, qu'est-ce que ça coûte à la fabrication et au recyclage aussi de tout ça. Bon, là, le recyclage, je pense que c'est ok. Mais en tout cas, la fabrication, si la fabrication pollue plus que de faire un couvert en métal, bah finalement, c'est pas forcément une bonne chose. Le support de douche Manea, présenté par un certain Cyril Dalmar, qui s'adapte à toutes les configurations de douche, laissant les deux mains de l'utilisateur disponible. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben attends, c'est pas genre la douche accrochée au mur? Ah oui, c'est une fixation de douche à ventouse. Ouais, c'est une sorte de. Ouais, c'est ça, c'est une ventouse que t'accroches au mur et t'as un flexible de douche et la douche au bout, quoi. Attends, il a juste inventé une ventouse. Ouais, en fait, il a pas inventé grand chose. Il a juste mélangé deux concepts, on va dire la ventouse et la pomme de douche. J'avoue. Alors, imagine, quand t'as parlé de ça, moi j'étais là. Oh, le mec, il a eu un coup de génie. Il a pris un overboard, il l'a mis au-dessus de sa tête dans la douche. Ouais, et avec les mains, il dirige l'overboard. Alors, par la pensée. Non, théoriquement, c'est possible. Mais alors, d'une autre manière, c'est pas avec un overboard, mais avec une pression suffisante. Ta pomme de douche, ça c'est déjà vu. Hein, si... avec une bonne pression d'eau, ta pomme de douche peut s'en voler. Ah, en fait. Bah oui, t'as déjà fait ça aussi, c'est marrant. Hein. C'est trop marrant. Mais justement, s'il aurait pu inventer une machine qui régule la pression et tout ça, et qu'en gros ça reste stable au-dessus de toi, ouais, c'est cool. Mais là, ouais, c'est juste une putain de ventouse. Moi je valide pas parce que ça manque ça peut être pratique hein, mais ça manque d'inventivité je trouve pour moi. Ouais, c'est oui. Alors je vais quand même donner une information à Teddy son invention. Avec la douche, avec la pression d'eau, il faut savoir que théoriquement la pression à l'eau du robinet est de 3 bars. Donc avec ça, avec l'épaisseur des tuyaux, peut-être que tu arriveras à trouver l'équilibre pour que la peur de la touche tienne toute seule en l'air. Ah, mais par contre, tu peux pas doucher en même temps. Ouais, enfin, c'est... ouais, c'est chou quand même. Voilà. Ouais. Ah, mais, bah, faire nous-mêmes comme ça, c'est du bricolage et c'est marrant à faire. Oui. Mais je veux dire, s'il aurait trouvé une technologie qui permet de faire ça très facilement et rendre ça accessible et que ça soit. Ah, mais en fait, le problème de ça, quand on le fait, nous, c'est que genre, t'as pas de pression et t'as la pomme de douche qui est au sol et tu mets d'un coup la pression et là, ça part. Mais après, en fait, c'est modulable. Si tu te mets sous la douche, par exemple, ça change en fait la. Oui, bah, juste, oui ça change. Il faudrait que ça soit connecté quoi. Bah, ouais, c'est avec ça, des capteurs. En gros, et que ça. Voilà. Ouais. Ça aurait pu être quelque chose de fun hein, quand, c'est pas faux. Alors niveau écologie, je vois pas à quoi ça sert, mais juste pour le fun. Non mais comme ouais, le principe de l'overboard, on est d'accord, c'est juste magique. Ouais. Ouais. Alors que là, une ventouse, putain mec. On parle de l'overboard de Retour vers le futur. Attention, pas des merdes qui se baladent en ville, hein, évidemment. Ça pour moi, c'est plus un, on va dire un profiteur quoi. Il a, oui, il a inventé il a un truc soi-disant inventé bah, et ouais. voilà. Ouais, il se fait de l'argent dessus. Ouais, c'est ça. Il a, d'une manière, il a pas tort. Mais... Bon, tiens, en parlant de connecter, à une dernière pour terminer, on a la ruche connectée. Donc, c'est inventé par un certain Clément Minière hein, qui nous dit qu'on n'est pas, on a pas la peine d'être un apiculteur professionnel pour adopter des abeilles et faire son propre miel. Donc, en fait, l'idée de sa start-up, c'est de faciliter l'accueil des abeilles chez les particuliers. Tu pourras avoir des abeilles à la maison, Daniel aussi, ouais. etc. Voilà, grâce à sa ruche connectée et fonctionnant par énergie solaire. Dans la ruche connectée, oui, je vois. Voilà. Ouais, c'est une ruche de luxe. C'est une ruche de luxe et elle se gère toute seule et ne demande aucune connaissance en apiculture. Voilà. Ça en te même fait temps, est-ce qu'il te fallait vraiment une connaissance en apiculture? Ah ouais, parce que c'est des abeilles, ça pique, hein. Non. Si. Bon, quand t'es gentil avec elles, non? Ouais, bah, je sais pas, moi je leur parle pas non plus aux abeilles. Mais je me verrais pas avoir une ruche à la maison, quoi. Ah, j'avais déjà eu, moi, donc. Ouais, bon, bah, toi, rien ne te fait. Quoi. Ouais, mais... c'est pas très gênant, en vrai, mais. C'est, oui. ça... Quel est le mais but? C'est quoi exactement l'apiculture? Le miel, les abeilles? Je croyais que c'était la culture des gens heureux, moi, happy. Ah, en anglais. J'en étais sûr qu'il y avait une chute à cette blague. Oui, forcément. C'est obligé. Ah, effectivement, l'apiculture. Enfin, Théon s'est posé des questions quand même. Ouais, non, mais là, il a marché à fond. Et il a dit, quoi, il connaît pas l'apiculture. Ah, oui, je l'ai eu. Bah non, mais je vous réponds à tous. Non, mais ouais, ça. Alors, d'une certaine manière, ça peut être fun, mais je pense que. Il aurait dû pousser le concept encore plus loin parce qu'avoir une culture de ruche juste pour le fun comme ça chez soi. Ah, mais là tu fais ton propre miel. C'est certainement bien. C'est oui, un peu le voilà. do it yourself quoi. Il fallait que. Je pense qu'il y a d'autres paramètres à en prendre en compte, genre savoir si t'as des abeilles qui sont dedans ou pas. Donc j'imagine que ça le fait. Ouais. Plus ou moins combien. Ah oui, si la ruche va se pérenniser ou si elle va mourir ou si. Ah, c'est comme un Tamagotchi. Ouais. Savoir si tu peux récolter le miel à tel moment. Ouais. Parce que je sais pas comment elle fonctionne cette ruche, mais pour moi, elle doit répondre à ces critères-là. Ouais, j'en ai aucune idée parce que je sais pas trop comment fonctionne une vraie ruche. Parce que ça fait plus. Comment dire? Genre, ça fait plus un lobby, enfin un hobby, genre, oh tiens, j'ai envie d'accueillir des ruches, enfin ouais, des abeilles chez moi. Il y a un peu de ça, évidemment qu'il y a un peu de ça. D'un autre côté, c'est bien aussi parce que si tout le monde fait ça, ouais, comme on a plein d'abeilles, de c'est compagnie, cool. Quoi. Ouais. Ouais, non, mais. Ouais. Mais cela dit, ouais, c'est facilité dans la gestion. Ça, c'est un peu comme un jeu de gestion, quoi. Parce que oui, mais je suis même pas sûr que ça produise beaucoup de miel de toute façon, en fait. Non. Je pense plus que cette invention, c'est plus pour en termes d'écologie et de survie des abeilles. Dit, c'est pas l'invention qui produit le miel, là. Non. Non, ça, c'est clair. Mais c'est le but, à mon avis, qu'il a donné à son invention. Il y a invention. Un but pédagogique. Oui. Je pense sauvegarder les abeilles, préserver oui. les abeilles, préserver plutôt les que abeilles, produire du miel. Et en plus de ça. Bah ouais, se renseigner sur la vie des abeilles, comment ça marche, etc. Je pense bah que non, ça il peut... le sait pas vu qu'il fait tout. Oui, mais même si t'as des indications, oui, vois, non, genre, oui. bah, ça t'indique comment le faire. Est-ce que tu peux pas forcément faire si t'as une ruche et que tu sais pas du tout comment t'y prendre. Alors, la notice est en anglais. Non, et l'application est en chinois, voilà. Non, mais on s'en fout si les abeilles parlent anglais ou chinois. Peut-être, bon, peut-être que c'est pour à ça. À mon avis, bah, c'est un intérêt, mais faut se pencher sur la question de savoir... Ouais, quelles sont toutes les options quoi. T'attends de voir le produit en vrai. Tu valides ou pas? Du coup, t'attends de voir. Bah, je le veux d'abord et après. Ouais, tu veux un test? Ouais. Un test Indestar. Daniel, tu valides ou pas? Bah, je dirais une moitié positive quand même parce que le but, si c'est de permettre aux gens de mieux connaître les abeilles et bah, faire qui sont quand même abeilles. Indispensables à la ça vie de tout le monde sur notre fichue planète. Mmh. Ce côté-là, je le valide. Le reste, pour dire tout le monde peut le faire, je suis un peu moins certain. Un peu sceptique, ouais. Ouais. Et puis bon. Ouais, puis l'aspect connecté aussi. Parce que en vrai, est-ce que t'as besoin d'une ruche électronique? Non, mais clairement. Bah, quand tu sais pas faire, oui. Franchement. Et en plus, imagine, à crame. Ah ben. Bah non, pourquoi il cramerait? Bah, on sait pas, un problème électronique. Le plus dur dans tout ça, ça a été de faire le clavier à la taille pour que les abeilles puissent communiquer leurs informations. Ouais, ouais, en plus, elles sont reloues, il leur faut des touches en, c'est comment on dit, en octogone. Ouais. C'est vrai, touches en octogone. Sinon, ça... pas mal, pas mal. Bon, voilà, en tout cas, quelques-unes des inventions 2019. Je voulais vous faire une petite parenthèse sur ma... Sur mes ancêtres. Sur puisque... mes inventions. Ouais, non, mais, alors pas sur mes inventions, mais sur mes ancêtres, parce que mon arrière-grand-père était inventeur. Alors en fait, il était dans l'aviation française, donc au début des années 1900, et il a participé plusieurs fois et gagné des concours Lépine. Alors entre 1905-1910, il a été récompensé pour ses inventions. Il a notamment, alors il a déposé plusieurs brevets en ce qui concerne l'aviation, mais il a été récompensé notamment pour deux inventions. Il y a d'abord le tire-bouchon à deux lames. Le tire-bouchon bilame, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, oui. Mais. Comment ça se fait qu'il y a des lames déjà sur un tire-bouchon? C'est un bilame. Qu'est-ce que tu Non, mais c'est un bilame, je le connais. C'est un bilame. C'est un bilame. Bah voilà, c'est mon arrière-grand-père qui l'a inventé. Ah, d'accord, c'est idéal pour ouvrir les bouteilles avec des bouchons abîmés, c'est génial. D'accord, et eh ben je lui dirais, non, je veux pas. Dommage. Oh, ouais. Si des fois il en reste un dans un tiroir, éventuellement je suis preneur, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais attends, tu te rends compte que si tu en as un, oui. Toi, un tiroir dans ta famille, le, genre un de ses premiers modèles et tout ça, ouais. Le machin vaut des millions sans doute. Des millions, t'exagères. Peut-être pas des millions, mais peut-être au moins un. Peut-être un certain prix, ouais, je sais pas. Parce que ça serait genre le prototype. Surtout qu'il y a des acheteurs qui en cherchent. Ah bah, il y a des collectionneurs de tire-bouchons. Ouais, il y a des collectionneurs de tire-bouchons, ouais. Bah ouais. Et puis, autre chose qu'il a inventé, alors moi, j'ai pas trop connu ça, mais Daniel, toi, peut-être plus. Avant qu'on ait des montres à affichage digital, il y avait certaines montres qui avaient des affichages à rouleau. En gros, t'avais le, je sais pas, genre sur. Comme sur les cadenas avec. Des ouais, codes, comme sur les cadenas, exactement. Ouais. Bah ça, c'est pareil, c'est une invention qu'il a déposée au concours. J'ai vu des pendules comme ça. Bah des pendules, ça doit être le même principe, ouais. Ça existait aussi sur les montres, mais ouais. Ouais, des petits rouleaux. Ouais. Et comme lui, il a inventé en miniature pour la montre. Bah non, il a inventé ce principe d'affichage à rouleau, donc sur les pendules ou sur les montres, ouais. Ah, je pense pas que c'est pareil. Ouais, d'accord. Bah, ça doit être le même système, j'imagine. Bah, non, plus petit. Non, c'est le même système. Oui, mais en plus petit, mais on s'en fout. Mais c'est comme les claviers d'ordinateur, il en faut des plus petits pour les abeilles. Oui. Non, mais je pense que c'est le mécanisme. Mais si tu prends inventé. Par exemple les voitures miniatures et les voitures réelles, non, ça c'est rien pas à voir. Ah, bah, si. Mais non, parce qu'une voiture miniature, t'as pas un moteur à l'intérieur. Bah, si, quoi, celle qui roule. Tu parles de quelle? Bah, des voitures électriques. Miniature que tu joues avec. Ah oui, mais là, c'est pas exactement la même chose. Pourtant, c'est la même chose. Non, c'est pas la même technologie. Alors que là, c'est exactement la même technologie. C'est juste que c'est une question de taille. Je sais pas. Si. Non, je pense que c'est vraiment le principe du mécanisme en fait de ça. Voilà. Mais je préfère être précis. Il a inventé la montre. On sait pas ce qu'il a inventé d'autre après. D'autres après, je sais pas. Je sais pas comment ça a été décliné, mais je sais qu'il a déposé aussi plusieurs brevets d'invention sur l'aviation. Mais après, j'ai pas exactement les détails. Bah, franchement, respect. Parce que déjà, il a inventé des trucs. c'est pas faux. Alors, elles ont pas révolutionné non plus. Non. Mais je crois qu'il a participé. Alors, c'est pas dans l'aviation, mais il avait participé aussi. Il doit pas être le seul inventeur sur le coup, mais à l'enjambeur que tu as dans les vignes. Tu sais, le truc qui passe au-dessus des vignes pour. Ah oui, je vois. Pour mettre des produits ou. Les tracteurs ou que t'as en train de. Ouais. Ou que t'es en moto, tu passes au milieu. Oui, c'est ça. Exactement, t'as toujours envie de passer au milieu. Ah, je te jure, je me suis dit un jour, si j'ai une moto, je passe au milieu. Parce qu'il est bien. Ben voilà, l'enjambeur, il a participé à ça aussi. Mais c'est vrai que du côté de mon père dans cette famille, enfin, non, jusqu'à mon père, parce que du coup, non, après. Sympa pour Monsieur Reed. Voilà. Théo, il a inventé une des stars, c'est tout. Non, moi j'aime bien inventer. Moi, j'ai jamais rien déposé, etc. Mais j'ai inventé des tas de petits concepts ou imaginé dans ma tête des tas de petits concepts. J'aime bien ça. C'est un artiste dans l'âme. Oui, mon père, attention, il est pas à la fin de sa vie. Il a le temps d'inventer des choses. Bientôt la retraite, on verra. Ça sent le. Ouais, c'est fini. Mais mon grand-père, alors c'est pas un inventeur, mais il était architecte. Et il a participé. Ah, un peu d'esprit créatif quand voilà, même. Voilà, notamment la pyramide du Louvre. Il a fait partie de la conception de la pyramide du Louvre. Donc voilà, c'est des il des a fait quoi, la pointe? Le stagiaire. la pointe, ouais, le dernier triangle. Non, il faisait partie des architectes, je sais pas combien ils étaient dans l'équipe, mais à concevoir la pyramide du Louvre. Quoi. Bon, voilà, il y a eu des choses comme ça. Petite question. Oui. Petite question. Est-ce que tu sais ce qu'on est avant d'être un architecte? Je sens qu'il y a une blague là-dessus. Un artiste? Hein? Non, un tech. Ah bah oui. Un tech? Ah, et après, t'es, ah ouais, t'es, t'es un très tech, un architecte. Et là, t'arrives à architecte. Ouais, ouais. Voilà. Pas mal, pas mal. Et c'est vraiment tech. Ouais, c'est... Ah. Non, mais ça, c'est à cause de la paquination. Apparemment, j'ai les neurones. Ouais, bah oui, oui, oui. Juste pour faire un petit point là-dessus, parce que, alors, on est que trois, donc ça va être rapide. Dans la famille de Théo, apparemment, il y a l'air d'avoir des inventeurs de génie, dis donc. Mais dans ta famille, Daniel, t'en as, toi ? Parce que moi, de mon côté, bon. Ils ont pas inventé l'eau chaude ni l'eau froide, quoi, clairement. Ouais, parce que sinon, on ne l'aurait pas encore, c'est ça. Oh, bah ouais, non, non clairement. Hein. Donc, bon. De mon côté, non, je crois qu'à part moi qui m'invente des trucs pas possibles, il y a des fois. Comme là, je vous avais montré en photo là, comment j'ai raménagé chez moi, par exemple. Ou... Ouais, ouais, ouais. Ou... Ouais, t'as une petite côté fibre artistique. Oui. Non mais oui, parce, là, que, parce que c'est vrai que la plupart des inventions, là je parlais de mon arrière-grand-père parce qu'il avait fait le concours Lépine, il a déposé des brevets, etc. Mais t'as plein de personnes, peut-être vous à la maison, vous avez peut-être inventé quelque chose qui vous facilite la vie. C'est bénin pour nous, mais au final ça change beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Ouais, ça pourrait, mais c'est simplement que la plupart des inventions finalement... Bah, c'est des choses que tu fais, tu sais, pour aider un pote, pour tu parlais tout à l'heure, Daniel, de ton pote là qui avait inventé le système. Au début, en fait, c'était juste pour lui faciliter la tâche, tu vois, pendant sa mission d'intérim. Il y a beaucoup de choses comme ça qui restent en fait en interne parce que tu inventes le truc, tu te dis, bah, c'est sympa pour chez moi. Oui, et je me rappelle une autre, tiens, oui, une fois aussi, c'est un des boulots que je faisais en SAV et on avait une partie de mécanique qui était très difficile à démonter. Et les gars, à chaque fois, ils passaient une demi-heure pour enlever deux vis. Ouais. Et puis un jour, je leur dis, bon, écoutez, laissez-moi ça, j'ai une idée. J'ai été bricoler un petit machin dans l'atelier à côté, et je suis revenu 3 minutes après, donc je dis, ça y est, c'est fait. En 3 minutes, j'avais démonté les deux vis. Embauchez-le, bordel. Ouais, bah non, mais Daniel, vous pouvez miser sur Daniel, attention. Votez Daniel, président, ça rappelle les choses. Ouais. Daniel, tu vas nous parler de quoi dans un instant? Alors, moi, vous savez que je suis électronicien de formation initiale. Ouais. Donc, je vais vous parler d'électricité, de ce qui a à voir avec l'électricité. Et comme je vous disais, on va rendre à César ce qui appartient à César. La situation risque d'être électrique dans un instant. Mais avant, on a de la musique, un mashup, un bootleg. On a mélangé plusieurs chansons, plutôt Zilitix y est collé avec My Life is Going On sur Indestar dans cette émission à la maison. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Après ce remix de la Casa del Papel, la musique en tout cas. La Casa de Papi. C'est ça, en traduction française. La maison de Papi. Non, je sais pas. Papel, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ah bah non, mais j'ai pas fait espagnol, moi j'ai fait italien. Ah non, bah pareil. Parce que la Casa, c'est facile, on la sait casa, tous. La Casa, c'est la maison, ouais. Del Papel. Du pape. Papé, je crois que c'est du père, la maison du père. La maison crois, du père, hein. Ah ouais. Qui serait la banque en fait. Je crois. Ouais. Enfin, la fabrication de... Non, c'est une fabrication de billets, c'est ça? Je sais plus, j'ai vu. Non, les il braque des banques, je crois. C'est une fabrique de billets qui braque, non? Ah bon? Je sais pas. Je sais pas, j'ai vu que deux épisodes, mais ça fait longtemps, voilà. Pour moi, ils ont des flingues et ils braquent des choses. Ouais, ça, et puis ils sont habillés en rouge aussi. Oui, avec des masques chelous. Voilà le résumé de la Casa del Papel. On est désolé si vous adorez cette série, vous êtes nombreux en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur Indestar ce soir en direct. C'est la reprise, c'est la rentrée. Et comme tous les lundis et les vendredis, on est là à 21h-23h pour parler d'invention ce soir. Invention plus ou moins inventeuse, inventrice, inventive. Hein, c'est bien inventive. Ouais, très bien. Ou alors plus ou moins lucrative, la ventouse. Aussi forcément lucrative parce que une invention. Et la ventouse ayant été inventée, c'est une invention inventive en effet. Ouais, mais il y a beaucoup d'inventions inventives et il y a des inventions qui ont été inventées avant d'autres inventions et pourtant qui étaient indissociables voire indispensables pour l'utiliser. Style la boîte de conserve. On a tous cet exemple en tête, la boîte de conserve a été inventée bien avant l'ouvre-boîte. C'est-à-dire que le mec a inventé la boîte de conserve et s'est dit « Hey, regardez les gars, j'ai mis des petits pois à l'intérieur. C'est génial, on les mange à midi. Ah bah non, on n'a pas inventé l'ouvre-boîte, ils ont dû attendre 15 ans. » Mais vu qu'ils avaient le couteau, ils avaient la méthode traditionnelle de « je défonce la boîte au couteau. » Le mec a sauté, Gérard, il a sauté sur la boîte. « Hey, regarde, c'est ouvert !» Bah oui, mais on peut plus les manger même. J'ai une super technique pour ouvrir les boîtes de conserve à coups de couteau. Sans te couper, hein. Ah oui, oui, et sans abîmer. Alors vas-y. J'ai pas de boîte de conserve, j'ai pas de. Ah, tu voulais. Ah oui, d'accord, faudrait que ça soit en vidéo. Ouais. Comment l'expliquer Tu fais un petit trou sur un côté. Et en fait, tu utilises ton couteau comme un levier et en fait, ça coupe le métal. Ah, mais c'est pas genre hyper long et faut. Non, non, mais je vais t'expliquer parce que je le fais aussi. Ouais, tu plantes la pointe du couteau sur le bord à l'endroit où tu mets normalement l'ouvre-boîte. Oui. Et tu appuies sur le dos de la lame et la partie tranchante, tu fais de façon à ce qu'elle se soulève et en se soulevant, ça va couper la partie métallique. Ouais, non, bah, je vois le principe, mais je me dis que ça doit pas être super easy, quoi. Alors, il utilise l'inverse de ce que je fais. C'est la méthode inversée. Mais grosso modo, en gros, il soulève, fait un trou dedans et il soulève la partie du couvercle qu'il veut découper. Et du coup, ça découpe en soulevant. Oui. Parce que c'est quand même. Enfin, c'est pas. Si, c'est à peu près découpé, hein. Enfin. Je sais pas comment c'est pas, c'est pas que c'est prédécoupé, c'est un point faible dû oui, un point faible, ouais, voilà, c'est ça. Dû à la fabrication. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là il y a un point faible. Et puis là sur le rebord en fait, la couche de métal est moins épaisse pour que justement tu puisses le découper à cet endroit-là. Mais ça marche dans les deux sens, hein, pour le coup. Tu vois, il y a deux méthodes là. Ouais, mais c'est mieux que ça soit soulevé par le haut plutôt que le couvercle tombe dans la boîte de conserve. On est alors, le couvercle ne tombe jamais. Je t'ai dit, mais la mienne est mieux. Hein. Ouais, mais pas qu'elle baigne dans la boîte de conserve. Moi, j'aime bien votre technique. Non, je suis d'accord avec Daniel. Moi, je préfère que ça soit soulevé plutôt que ça soit dans la boîte de conserve. Mais bon, après. Ouais, mais elle tombe pas dedans. Non, mais sans tomber dedans, mais du coup, ça appuie à l'intérieur. Ah non. Ah bon. Bah non, parce que tant que t'as pas coupé tout le bord, elle peut pas tomber. Ouais. Mais vers la fin, ça peut. Ouais. Mais vers la fin, en fait, tu prends juste le bout du couvercle qui est déjà enlevé et tu le tortilles. Enfin, C'est ce que je fais. En tout cas, l'ouvre-boîte était une bonne invention. Hein. Bien sûr. C'est vrai que c'est plus pratique. On va pas se mentir. Quoique, il y a. Alors, c'est plus pratique, mais. Mais il y a des ouvre-boîtes. Oui. Ouais, il y a. Putain, les machines où que tu dois juste poser et tourner une petite manivelle au-dessus là, j'y arrive jamais. Ça marche pas, c'est une connerie. C'est relou. Et moi, une fois, je me rappelle anecdote. Allez, ça y est, on est reparti dans les anecdotes jusqu'à 2h du mat. Mais non, mais anecdote, une fois avec un pote, quand j'étais. Il était en BEP, je crois. Il faisait un stage près de chez moi. Donc le midi, j'allais le chercher en vélo. Et il avait une pause déj d'une heure, peut-être, tu vois. Donc qui était largement suffisant pour manger une boîte. Et il ramenait à manger. Et il avait ramené une fois une boîte de raviolis. Et je sais pas pourquoi, comment avait été conçue cette boîte. Alors j'avais le fameux ouvre-boîte avec la petite manivelle. Mais normalement ça fonctionnait à peu près. Et cette fois-là, on a galéré. On a mis 3 quarts d'heure à ouvrir la boîte de conserve. Ce qui fait qu'on a dû manger en speed après pour qu'il puisse retourner. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui. On comprenait pas ce qui s'est passé, mais on était là à s'acharner à deux sur une boîte de conserve. Ah ouais. C'était épique. Je t'avoue que j'ai jamais eu ce problème parce que, comme je te l'ai dit. Parce que t'es trop fort. Non, je les défonce à coups de couteau, au pire, c'est un problème. Bah, on voulait pas exploser la boîte de conserve non plus. Mais. Ah, mais non, mais toujours, je gardais toujours le contenu. Hein, ouais, tant mieux. J'ai ouvert, oui, mais bon. Ouais, ouais, bah. On retrouve l'épisode Gérard là. Bon, Daniel, l'électricité, qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce qui a été inventé avec? Et comment les gens sont morts avec de l'électricité? Bah déjà, alors je vais répondre à la dernière question. Comment les gens sont morts avec de l'électricité? C'est la question la plus fun. Et bah, ils ont touché le fil qu'il fallait pas toucher. C'est pas faux. En ayant au moins les pieds à la terre ou une connerie comme ça. Mmh. Voilà. Ouais. Donc quand tu pisses sur les fils électriques, déjà un mystère de résolu. C'est vrai que pisser sur un fil électrique, c'est pas une bonne idée. Ouais. Bah en vrai, ça fait pas si mal que ça. Hein. Ah. Bah je sais pas, j'ai pas essayé. Pourquoi hein. T'as essayé? Non. Non, moi je mettais les mains directement dessus, je pissais pas dessus. Non mais pas sur le 200, t'as dit. Je sais pas ce que c'est. Si c'est sur la terre, si c'est sur le fil de terre, non, ça fait pas. Ah bah là ça va, ouais. Ah moi je mettais les mains dessus sur les fils électriques des enclos animaux. Ah oui, ça va. Ça c'est marrant ça. Ça ouais, enfin c'est marrant. Non mais ça va. Non, je pensais que t'étais sur les lignes à haute tension là. Ah oui, mais non. Et puis va pisser là-haut quand même. Non, tu sais qu'il y en a, c'est arrivé. Hein, ah non, tu peux pas pisser là-haut. Si, il y en a qui sont allés là-haut. Ah oui, mais faut monter et pisser. Mais... Ah oui. Ah non, mais faut le vouloir. Hein, mais quand t'es bourré, à un moment donné, tu réfléchis plus trop. Ils sont forts. Ah oui, ils sont forts. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bon, Daniel. Ouais. Alors pour ce qui est de l'électricité, donc on dit par habitude. On donne souvent plein d'inventions à Thomas Edison. Ouais. Oui, qui n'est pas forcément celui qui a inventé l'invention de base. Oui, alors en fait, ce monsieur, Thomas Edison, a piqué beaucoup d'idées à un certain Nikola Tesla. Oui. Qui, lui, on le connaît bien. Ouais. L'inventeur de la voiture électrique, ouais. Nikola Tesla. Ou des bobines Tesla aussi. Et c'est les bobines. Oui, bon, alors... les bobines, ouais. Oui, il a une fameuse bobine de Tesla, oui, un plasma, Tesla qui a d'ailleurs donné son nom à une unité électrique d'induction. Donc ce monsieur était serbe et né en 1856 et il a immigré après aux États-Unis. Alors, les espoirs sont quand même permis pour tout le monde parce qu'il est né d'une mère complètement analphabète et un père orthodoxe. Okay. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous effectivement, êtes, niveau invention, ils étaient limités quoi. Voilà. Ouais. Alors, ce monsieur a déposé quand même environ 900 brevets au cours de sa carrière. Ah ouais, quand même. Ouais. À côté, mon grand-père, il y a ridicule. En fait, c'est son métier, déposer les brevets. C'est ça, je suis déposeur de brevets professionnels. Alors, si on doit, par exemple, le courant alternatif comme on a sur le secteur qui permet de transporter l'électricité sur une grande distance, c'est justement grâce à ce monsieur. Ah ouais. C'est lui qui a mis. C'était pas rien. Parce que si on avait écouté Thomas Edison, on aurait des batteries courant continu partout, avec donc des pertes énormes, enfin énormément de difficultés. Mmh. On serait peut-être même pas là en train de faire de la radio. Mais alors attends, parce que dans les dates, je ne situe pas, il a été, enfin, il est né avant Thomas Edison ou après, ou comment ça s'est passé? Non, je crois qu'il est né après, mais ouais. Il a été embauché par dans l'entreprise de Thomas Edison. Ah oui, d'accord. Okay. De toute façon, Thomas Edison, c'est lui qui avait créé, si je m'en rappelle bien, General Electric. Mmh. On entend parler notamment avec Belfort. Voilà. Ouais. Et il l'avait embauché. Donc, alors, il avait fait un gros canular en lui disant, alors je ne sais plus ce qu'il y avait en jeu, en lui disant, écoute, si tu me résous ça, je te donne 50 000 $. Nikola Tesla a résolu le problème et Thomas Edison il a dit, mais non, attends, c'était une blague, je ne vais pas te donner 50 000 $. Oh là là, c'est vache. Par contre, et il en gagne 10 milliards. Par contre, lui, ouais, il s'en met plein les poches. Hein. Ouais. Et puis surtout, il a tout le mérite, encore une fois, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le Thomas Edison, il se prend tout le mérite de l'invention. Oh, c'est moi, c'est mon entreprise. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Ouais. Et je pense, bon, sans trop me tromper, je pense que, on va dire à peu près la moitié des inventions qui sont attribuées à Thomas Edison sont en fait attribuées à Nikola Tesla. Ouais. Lui qui a aucune. Enfin, il a reçu aucune distinction ou on l'a quand même reconnu pour son travail? Pour certaines de ses choses. On a quand même fini par le reconnaître par son travail. Alors, il faut savoir qu'après, il est parti de la compagnie de Thomas Edison. Ouais. Il a été embauché chez Westinghouse, où là, il a pu quand même travailler. Malheureusement, Westinghouse a quand même beaucoup investi parce que le patron croyait énormément dans ce que faisait Nikola Tesla. Le problème, c'est que il était le seul aussi à y croire. Alors, donc, il n'y a pas eu de débouché commercial. Ouais. Donc, forcément, ça a fait couler la boîte. Ça a failli faire couler la boîte. Ouais, il est quand même connu, mine de rien, Tesla. Et pas uniquement parce qu'il s'est fait entuber par Thomas Edison, hein, mais il était quand même bien connu comme inventeur et tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il aurait pu être bien plus encore connu plus, s'il avait fondé sa propre entreprise. Quoi. Ouais. Mmh. Ouais, bon. Ouais, disons que maintenant, ça y est, il commence à être connu. On commence à reconnaître. On éclaircit les choses. Bah, ouais. Je pense qu'on peut dire son génie. Et moi, parfois, quand j'en parle, alors, c'est peut-être un peu trop, je sais pas. J'aime le comparer à Léonard de Vinci ou à Einstein. Ah ouais, carrément, à ce niveau-là. Ouais. C'est ma pensée personnelle maintenant. On peut comparer un inventeur avec un autre inventeur. Oui, non, mais c'est. On va comparer l'arrière-grand-père de Théo avec Léonard de Vinci. Ouais, non, alors non. Vous n'avez pas inventé le même tire-bouchon, je suis désolé. C'est... Là, on sait qu'en fait, ils n'ont pas répondu. Théo de Vinci, d'ailleurs. Ils ont pas ça répondu. Théo de Vinci, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ils ont pas répondu aux mêmes problématiques. À la même qu'ils problématique. Avaient. Ça, tu viens bien d'une famille de vignerons. Oui. Donc c'était vital. Non, ça c'est du côté de ma mère. Ah mais c'est ça. Pas grave, c'était lié. Ouais. Mais alors on est de la même famille. Vu que moi aussi je suis de famille de vignerons. De votre famille. Il a dû répondre à une problématique. Je suis pas sûr de vouloir, besoin, mais. Attends. Il a inventé tire-bouchon et il a participé au tracteur. Ouais, j'avoue que l'enjambeur. Il y a quelque chose. Hein. Il a participé effectivement à améliorer le confort des. Oui, c'est peut-être ça. Simplement. Alors que Léonard de Vinci, lui, c'était pas la bibine, lui, c'était, je sais pas, C'était délire. Tout, l'hélicoptère, le machin. Ouais, ah, il voulait voler. J'adorerais avoir un parent Léonard de Vinci. Oui, mais bon. Ah, mais il y en a qu'un. C'est vrai. Il y a 500 ans. Ouais. Non, mais même un parent ancien, tu vois, mais de se dire, Léonard de Vinci, c'était un oncle. Ah ouais. J'avais qu'un seul. Peut-être. Moi, j'ai un Claude Monet. Ça peut être pas mal. J'ai un Claude Monet qui peut être dans. Ah oui, mais c'est pas le vrai. Parent éloigné. Si. Comment ça? Bah, le parrain de ma mère, il s'appelle. Merde, comment il s'appelle? C'est un cousin. T'as un cousin de Claude Monet? Ouais, ou un petit cousin ou un truc ça, du genre. Ça, c'est la classe quand même. Hein. C'est plus ou moins la classe, mais bon, j'aime pas trop les peintres. Ouais, mais quand même, Claude Monet, quoi. Il a fait des nénuphars. Ça fait mieux que Théo Didier Star, c'est vrai, hein, je veux pas dire. Ouais. Bah, c'est... Ouais, bon, après, chacun sa vie, chacun ses inventions, mais. Artiste reconnu, Claude ouais, Monet. Si on veut. Ouais, si, quand même. Bah, Claude, quand même. Claude, c'est pas un inventeur. C'est pas un inventeur. Non, c'est pas un inventeur, mais c'est un peintre. Mais... C'est un artiste. Oui. C'est moins fun. Alors, j'aurais préféré le tire-bouchon. Après, je vais arriver aux inventions pas possibles. Ce monsieur, par exemple, Nikola Tesla, en 1898, a construit un bateau radiocommandé. Mm-hmm. C'était tellement révolutionnaire que plein de gens ont dit que c'était une supercherie. Et. Ah, bon, bah c'est simple. Hein, c'est... Oui, c'est souvent comme ça que ça marche. Bon. Bah parce que des fois, il y a eu des tas de supercheries aussi, hein, faut pas se gâcher. Donc, des tas de trucs que les gens ont cru, et en fait, derrière, c'est un mécanisme, un ordinateur, alors que derrière, à l'intérieur, t'avais un mec, comme on avait parlé de l'invention des échecs là, ouais. Le mec qui était à l'intérieur, il était contorsionné, et voilà, et il y arrivait. Oui, alors t'as parlé d'un mec, oui, heureusement, parce qu'à cette époque-là, t'as parlé d'ordinateur avant, il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque-là. Hein. Non, oui. Mais je sais qu'il y a très très longtemps, il y a un mec qui a inventé les échecs et soi-disant contrôlé par une machine qu'on n'appelait pas encore un ordinateur, mais une machine infernale. Ouais. Et en fait, c'était simplement un mec amputé qui était à l'intérieur et qui joue aux échecs de par en dessous, quoi. C'était une question d'un de tes quiz. Oui, c'est vrai. À la fin de des multiples émissions qu'on a faites. Bon, allez, assez parlé de Nikola Tesla parce qu'il y a plein de choses pas sérieuses à dire sur les inventions. J'en ai pas mal au niveau technologique. Ouais. Alors, parmi les inventions plus ou moins loufoques, il y a des inventions pour la nuit. Alors pour la nuit. Pantoufles lumineuses avec une LED sur la pointe pour voir où tu mets c'est tes orteils. Génial. Et si tu te cognes le doigt de pied, ça fait encore plus mal vu qu'il y a du métal et tout, non? Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, mais au moins tu vois les Lego en pleine nuit, tu vois, quand t'as ces pantoufles. Quand tu marches dessus, avant de marcher. Par contre, tu vas quand même te cogner dans le petit coin du meuble. Ah oui, ça. Enfin, le petit doigt de pied dans le coin. Non, remarque, tu le vois quand même le coin du meuble. Grâce à tes ampoules lumineuses. Je le fais en plein jour, alors. Il y a une obligation, c'est quand même, quand tu te lèves la nuit, t'as pas toujours les yeux bien ouverts. Ah oui, c'est pas faux. Hey. Puis il faut les trouver, les pantoufles. Alors qu'en fait, tu vois une pantoufle avec un capteur de proximité, tu sais, comme les radars de recul, qui te biperait quand t'arrives au coin de ton meuble. Excellent. Hein, on tient un truc là. Et avec un bout de tissu au-dessus phosphorescent, comme ça tu les vois dans la nuit, mais ça te gêne pas non plus pour dormir. Ah oui. Ah bah là t'es royal. Ouais, on est pas mal. On a un brevet à déposer. On a un concept. Les pantoufles fluorescentes avec capteur de mouvement. Pas mal. Radar de proximité. Radar de recul. Alors sachez aussi que bien avant les baladeurs, il y a des gens qui voulaient recevoir la radio. Ouais. Partout où ils étaient. Alors il y en a un qui a inventé le concept. De mettre un récepteur radio dans son chapeau avec l'antenne qui dépassait. Ah ouais, génial. Inspecteur Gadget, lui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. On voit pas mal d'inventions comme ça des années 60 ou 60-70 où tu avais déjà des ancêtres de ce qui existe aujourd'hui, des smartphones, de la télévision portative, des choses comme ça. Et je trouve ça génial de mettre une radio dans son chapeau. Mais le chapeau devait être assez lourd. Oui. Ah bah non, mais après, bon, l'ergonomie, c'est secondaire. Le torticolis, tu vois. L'ergonomie, c'est ce que tu résous après, tu vois. Ouais. Oh oui. Alors, d'après ce que j'ai vu, ça doit être dans les années 30. Vu que c'était un canotier, le chapeau, je pense que c'était dans les années 30. Pas mal. Et donc, il y a une femme qui, jalouse, qui ne portait pas de canotier, elle a inventé la poussette radio. La poussette radio, pourquoi? Ça, c'est plus logique. Vas-y, pour endormir bébé. Ah oui. Oui. Puis tu la roules au moins. Bébé, elle avait la radio. Ah ouais. La poussette radio. Après l'autoradio, la poussette radio. Oh, parce non, que j'aime bien. Si dit que c'est dans les années 30, l'émetteur radio, ça doit peser au moins 2-3 kilos. Avoir ça sur la tête en permanence. Est-ce qu'elle était stéréo, la poubelle? La poubelle. La poussette. La poubelle stéréo. La poubelle pour bébé. Pas de stéréo. Ah mince, c'est dommage. À l'époque, il n'y avait pas de stéréo. C'est dommage. Non, ça n'existait pas. En Dolby Surround, la poussette, moi je. Quand tu ouvres ta poubelle, t'as la radio qui s'allume. Bah ouais. Et elle fonctionne à l'énergie des déchets. Évidemment. Évidemment, c'est beau, c'est vert, c'est. Et, bah, en vrai, entre la DeLorean ou la poubelle, faire fonctionner à l'énergie des déchets, quelle est la meilleure idée, hein? On se pose la question encore. Du coup, la poussette radio. Ouais, intéressant. Pourquoi pas? Ouais, alors il y en a une, j'ai pas trop compris l'utilité. Oui, hein, ça m'a parti. Il a monté un appareil photo sur son revolver. Peut-être pour ça faire une photo. Pour prendre une. Vous voyez, je l'ai fait. Bah, pour immortaliser les moments. Oh là, bravo. Joli. Alors là, respect. Immortalise. Oh là. J'allais dire la kill cam de Call of Duty. Parce que quand tu tues quelqu'un, la kill cam, en gros, quand tu joues à Call of Duty, oui. Donc t'es là, pouf, tu te fais tuer. Ah, image de ta mort, c'est ça? Bah ouais, en fait, ouais. Ça te montre ce que voyait l'autre, celui qui t'a tué. Ah, c'est ça. Donc t'es là comme un con, tu te vois mourir. Sauf que la différence entre un jeu vidéo et la réalité, c'est que dans le jeu vidéo, tu peux voir ta mort et t'es toujours en vie. Oui. Alors que de voir ta mort quand t'es mort, je pense que tu t'en fous un peu. Et ben, c'est pour les duels de pistolets. Oui, pour savoir qui a tiré le premier. Oui, parce que celui qui est mort, il est forcément mort. Ouais, bah c'est ça. Non, je sais pas. Ouais, si les deux sont morts, ouais, de dire qui était le plus fort quand même. Ouais, ou pour l'image de fin, quoi. Tu sais, ouais, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, les images. Quand les gens sont morts, on prenait des photos avec le membre mort. Ah ouais. C'est Audrey qui nous avait expliqué ça. Ou les images marquantes de sa vie, quoi. Et du coup, plaf. Ah bah c'est marquant. Final. Ah bah c'est marquant. Ah bah oui, c'est marquant. Oui, c'est marquant. Oui. C'est... Marquant, ça fait un trou dans le crâne. Moi, j'en ai vu une. Ouais, j'en ai vu une qui est pas technologique. Mais enfin, j'avais envie de vous en parler parce que franchement, elle est extraordinaire. Quelqu'un a inventé ce qu'on appelle un attrape-chien. Je connaissais les attrape-bigots, mais pas les attrape-chiens. C'est-à-dire que c'est une sorte de grande pince extensible. Oh non. Avec un gros crochet au bout, et t'attraper le chien par le corps. Bah, on est d'accord que c'est pour les petits chiens, ça m'émère, hein, parce que ça marche pas avec les labradors, ce truc-là. Ouais, c'est un peu lourd. Là, le labrador, oui, en fait, c'est le labrador qui va être... En fait, ça va être un traîne humain. Et du coup, j'ai l'attrape-tigre. Le gars, il a posé une invention qui... C'est un 2 en 1, le truc. Ah mais tu peux tout attraper. Soit c'est un attrape-chien, soit c'est un tir humain. En vrai, t'es dit, quand t'as inventé la grosse pince, en fait, simplement, je pense que tu peux tout attraper. Tu vois, tu peux la décliner, en fait. Oui, ouais, non, c'est comme la ventouse, hein. Il s'est dit, tiens, je vais la mettre là, c'est pouf. Ouais. Et cette année, l'attrape-chat révolutionnaire, c'est la même. Oui, mais c'est marqué attrape-chat. Elle est plus douce. Elle est plus douce. Oh là là, l'arnaque. Alors, j'en ai d'autres aussi qui vont... Oui. Ah, on t'a perdu, Daniel. Daniel ? Alors, soit il réfléchit longtemps. Soit on l'a perdu longtemps. Ah, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Bah, et tu sais quoi ? On va écouter la reprise de Dua Lipa. Non, il est là. Ah, Daniel, on t'a perdu pendant une minute, là. Daniel ? Ah. Non, non. Il réfléchit, c'est juste... Ouh, ouh là, ça fait des trucs bizarres. Ouais. C'est l'électricité. Il y a Tesla qui s'est invité chez lui. Il a continué l'électricité, Daniel. Ouais. Daniel, tu nous entends ou pas ? Merci, pose si se faire à souder tout de suite. Oh, là, on t'entend. Daniel ? On t'entend, Daniel. Oui, oui, ouais, oui. Là, on t'entend. On t'entend ouais. Bien. Faut arrêter les bidouages électriques. Il est en train d'inventer, Daniel. Oui, on t'entend. Là, on t'entend, ouais. C'est excellent. Alors, on entend tout chez Daniel. Alors... Bon, je vais passer sur... C'est génial, c'est en direct. Alors... on va écouter Paris Venice avec la reprise de Dua Lipa. C'est Fever sur Indestar dans cette émission à la maison. Et puis on espère que Daniel aura résolu l'affaire dans un instant sur Indestar. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Sur Indestar, c'était à l'instant Paris Venice avec la reprise de Dua Lipa et d'Angèle, le duo qui cartonne en ce moment. Sont toutes d'instinction radio. Bienvenue sur Indestar si vous venez de débarquer. Vous êtes en direct, c'est l'émission à la maison jusqu'à 23h. Oui, c'est la reprise du direct parce qu'on vous avez entendu les deux dernières semaines. On disait qu'on était en direct, mais en fait, on n'était pas vraiment en direct puisque c'était une rediffusion, n'est-ce pas? Et qui dit direct dit potentiellement problème technique, comme à l'instant avec Daniel. Mais vous l'avez retrouvé. Oui. Est-ce qu'on est vraiment en direct là? Je Est-ce sais qu'on pas. Peut vraiment dire aux gens, on est en direct. Vas-y, tu veux que je te pince pour voir? Même si tu me pinces, peux passer très bien dans le passé. On ne peut même pas prouver qu'on est en direct. T'as pas un mégaphone pour qu'on crie dans toute la ville qu'on est en direct? Je suis en direct. Bon, en tout cas, effectivement, à l'instant, on a perdu Daniel parce que petit problème technique, hein, ce qui est indépendant de notre volonté, évidemment. Mais on t'a récupéré et on parlait d'invention, évidemment. Invention en rapport avec des concepts pas forcément hyper optimisés ou pas forcément essentiels. C'était un petit peu ça le concept de loufoque. Loufoque. Voilà, c'est avec bien, quand même, bon, sauf pour un ou deux, avec une ligne, je dirais, technologique, quand même. Ouais, ouais. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure d'objets connectés. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui a inventé la bougie connectée. Oui. Alors, la bougie, on peut l'allumer à distance, on peut l'éteindre, on peut faire ce qu'on veut, c'est formidable. Ouais, mais c'est très marrant, une bougie qui représente dans l'imaginaire collectif l'ancêtre de l'électricité et qu'elle de soit connectée, enfin de la lumière, ouais, pardon, et qu'elle soit en fait une bougie connectée. Réadaptée en... Ouais, je trouve ça un peu chelou. Voilà. C'était mon analyse. Alors... ouais. Alors moi j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Hein, t'as un aïeul qui a inventé le tire-bouchon Bilam. Ouais. Hein, ouais. Sache que maintenant il y a quelqu'un qui a inventé le décapsuleur qui envoie une notification à tes amis lorsque tu ouvres une bière. Bah tu vois, tu peux plus boire tranquille. Quelque alors... part, autant tout à l'heure avec Léonard de Vinci, la comparaison était peut-être un petit peu un petit peu bon, mais là, je me dis que il a rien à envier au mec qui a inventé le décapsuleur. Eh ben, figure-toi. Non, à part que ça ouvre une bouteille, il y a pas beaucoup de rapports. Je fait, connais hein. des gens oui. que ça intéresserait. Et pour, mais mille pourquoi, fois plus qu'une. Mais pour comptabiliser en fait le nombre de même pas pour les comptes, c'est genre ah tu ouvres une bière, bouge pas, j'arrive. Ah ouais. Mais bien sûr, on fait la teuf. Tu bois, ok, je bois. Alors même là en confinement, ça marche quand même. Ah ouais, j'avoue. Parce que les gars, ils se font des visios et tout ça. Ouais, tu ouvres une bière, vas-y, je m'en ouvre une aussi. Ouais. Ils sont comme ça, ils se partagent des coups. Ils sont tarés. Mais on les aime bien, tu vois. Ouais, ah, c'est un coup alcoolique cette histoire. Mais ouais. J'ai pas dit qu'ils étaient pas alcooliques. Ah, s'ils le sont déjà d'ailleurs. Okay. Oui. C'est bon. Ah bah il y a de grandes chances qu'ils soient finis, hein. Mais. Ouais. Bon, pourquoi pas. Je suis alors... sûr. Eux, ils ont même les décapsuleurs qui envoient la capsule ouais. après. Ça ne sert à rien. Qui envoie la capsule où? N'importe où, tu vises en fait. Ah, en fait, tu décapsules ta bière, en fait, ça la met dans le petit truc, enfin dans le décapsuleur. Une sorte de. Et après, tu appuies sur un bouton et je tout. C'est une sorte de. Comment on appelle ça? Piston capsule. De. Non, j'ai perdu le nom. Tu sais comment ça s'appelle? Les deux catapultes. Oui. Oui. C'est ça. Ou comme une toupie blade. Ah oui, c'est une toupie. Ouais. Avec le truc que t'envoies dans l'œil, ça fait James Bond là, qu'envoie avec son arme secrète quelque chose dans l'œil du méchant qui est en face de lui. Ouais, c'est ouais, comme ouais. ça. Mais alors faut pas le faire là, t'envoies des... avec les copains. Ah bah tu vises la tête ou mets pas les yeux, tu vois. Ouais. Alors Daniel. Alors j'ai retenu aussi quelque chose extraordinaire qui est un peu fait pour les feignants et puis les gens qui font pas attention. Dans une file d'attente. Oui. C'est toujours un peu en piétine, il y en a marre, il y a des fois. Ouais. C'est pas faux. Alors, c'est au Japon, alors c'est Nissan, là, pour une fois j'ai la marque. Et ont créé un système de chaises autopilotées pour les files d'attente. Ah, j'ai vu ça, c'est génial. Ah ouais. Non mais je veux ça, ouais. Explique-nous. En gros, c'est un petit rail avec des chaises, non? Non, c'est pas un rail. Même pas. Bah oui, non, c'est même pas un rail. Comment te dire, t'es dehors. Ah bah, moi, ce que j'ai vu, t'étais dehors, mais après, ça peut être à l'intérieur, j'imagine. T'es dans la file d'attente, t'es assis sur une chaise. T'as quelqu'un qui rentre, donc ça te fait avancer la chaise, tu vois. Et après, en fait, quand tu te lèves pour aller, ça reprend la chaise et ça va la remettre derrière. D'accord. Tu vois l'idée? Bah, je dirais, on pourrait pousser le concept encore plus loin. Genre, tu vois, t'es même pas là, mais tu fais la file d'attente quand même. T'attends d'aller faire autre chose en attendant? Oui, alors ça, effectivement, ça sera encore mieux. Mais cela dit, là, t'es sur ta chaise. C'est chiant dans une file d'attente. En fait, t'es là, tu dis, oh, j'aimerais bien me poser quelque part, sur le trottoir d'en face même, tu vois. Ouais. Et sauf que tu veux pas louper, tu veux avancer. Donc quand t'as quelqu'un qui est avec toi, tu le laisses dans la file d'attente. Dégage. Et, non, tu laisses dans la file d'attente et puis toi, tu te mets à l'écart histoire de profiter. Bon, voilà. Mais quand t'es tout seul, t'es obligé. Et là, en fait, tu te mets sur ta chaise. Tu sors ton smartphone, tu fais autre chose, et en fait t'avances sans même t'en rendre compte. Et autre c'est concept quand même pratique. Des chaises toilettes. Ah oui. Tu avances un fil d'attente et tu peux aller aux toilettes sans bouger de ta chaise. Ouais, alors ça sera un peu dégueu, mais ouais. Oui. Pourquoi pas. Attends, c'est qui avait inventé ça là? C'était dans le dernier. Comment on dit c'est pas morning, le soir. Ah non. C'est pas Michael Youn, il a fait une émission du soir. Ouais. Un top show, je crois. Ouais, Soiring. Un top show. Ouais. Le morning, on va dire le soiring. Qu'est-ce que vous en pensez? Il avait un soiring. On va inventer le mot. Hein. Ils avaient inventé Uber Popo. Ah ouais, trop bon. Bah, Michael Young en même temps. Ouais, c'est excellent. Mais non, dans le même principe, tu parlais de file d'attente. Google a inventé. Enfin, ils vont bientôt le mettre en service. C'est pas mis en service, mais c'est déjà inventé pour ne plus te faire attendre au téléphone. Parce que ça, c'est hyper relou quand tu as les attentes où t'as la même musique en boucle. Veuillez patienter, un conseiller va prendre votre appel dans quelques minutes, voilà. Et ils ont inventé un concept où en fait tu mets que t'es en attente et le téléphone te prévient au moment où tu es effectivement en conversation. Il fait comme s'il t'appelait en fait. Ouais. En fait, il te rappelle au moment où tu dois effectivement être en conversation avec la personne. Et pendant ce temps-là, il attend à ta place. Et ça, je trouve ça très bien et j'ai hâte que ça arrive sur mon téléphone. Et comme ça, c'est l'autre qui attend. Et ça renvoie la main. Veuillez patienter, le correspondant. Oh putain, ce serait trop bon. Ah, je veux ça. Je trouve ça pas mal. Faire attendre les conseillers. Ouais. Ah, ça serait bon. Je pense pas qu'ils vont attendre bien longtemps. Ouais. Nos amis et les animaux sont pas oubliés non plus, hein, quand même. Hein. Ah, parce que. Alors, il y a par exemple y a quelqu'un qui a inventé une veste connectée pour les chevaux. Ouais. Pour mesurer, je vais dire les mouvements, le rythme cardiaque, etc. Analyser ce que fait le cheval. Mais que j'ai jamais vu de chevaux mouche, avec des vestes. Non. Bah, c'est pour aller au travail. Non mais il y a un truc, c'est que depuis qu'on a inventé les objets connectés, il y a une déferlement, et notamment dans tous ces concours, etc., d'objets connectés. Alors il y en a certains qui sont plutôt pas mal, hein. Moi j'ai des objets connectés à la maison et qui sont plutôt pratiques, mais il y en a franchement, bon, en termes d'utilité, t'as envie de dire ouais, ça existait pas en version connectée, du coup on a inventé ça. Comme le frigo connecté par exemple, moi j'en tout ai vu. Tout peut être connecté. Ah, mais tout pouvait être connecté, effectivement. Mais j'ai vu un frigo connecté avec une dalle de 15 pouces sur l'avant du frigo qui te dit ce que tu as dans ton frigo. J'ai trouvé ça tellement inutile. Genre, ça prend plus de temps à aller dans l'option pour voir ce que t'as dans le frigo plutôt que d'ouvrir la porte du frigo. Ouais, mais question économie, parce que. Alors, il y a souvent cette problématique. La perdition d'énergie, ouais. Ouvrir son frigo, c'est quand même une grosse dépense d'énergie. Oui, enfin, en même temps, la dalle 15 pouces qui tourne toute la journée. Et c'est pas faux. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un entre-deux qui est assez intelligent. C'est la porte de frigo transparente. Oui. Alors, bien sûr, faut de la technologie assez pointue quand même, parce que. Faut pas perdre d'énergie. Enfin, ouais, faut que et ça dans les portes. Il y a quand même des trucs froids et il faut que ça refroidisse aussi dans la porte. Mais transparente, tu sais, c'est bien aussi. La porte de mon frigo, elle n'est pas très dure. J'ai pas besoin de beaucoup d'énergie pour la tirer, pour l'ouvrir. Hein. Ah oui, non, mais il parlait de déperdition d'énergie, t'as dit. Mais, Mais après, je réfléchissais. La porte de frigo, t'as rien qui refroidit dans la porte de ton frigo. J'en sais rien, j'imagine que c'est si. Sûr, non. Puis si tu veux faire un truc performant, tu. Oui, non, mais c'est ça. L'avantage de la porte de ton frigo, c'est qu'elle est vachement isolante. Donc il faut arriver à trouver un matériau isolant et transparent. Et c'est ça qui est pas évident. Après, je sais pas, je me suis pas posé la question. Non, si t'as rien d'isolant. Enfin, non, t'as rien de. Comment dire de froid. Qui produit du froid dans la porte de ton frigo. Tout est à l'arrière. Je mettrai plus mes jus de fruits ici. De toute façon, si tu mets technologiquement, je crois que si tu mets des couches d'air emmagasinées dans des dalles de verre, et puis donc dans le cas présent, une dalle qui s'opacifie, donc à cristaux liquides, et qui sous l'action, on va dire, de l'électricité, devient translucide. Ouais. Tu as des couches d'air, c'est les couches d'air entre les épaisseurs de verre qui créent l'isolation. Ah oui, techniquement, c'est comme ça. Ouais. Après, on peut pousser les réflexions plus loin. Hein. Genre, je sais pas si vous avez vu Thomas Pesquet, le français. Ça saute un peu du coq à l'âne, clairement. Ouais. Non, mais vas-y. Thomas Pesquet. Je l'ai vu, mais qu'en photo. Hein. C'est pas un astronaute qu'on dit pour nous, c'est comment. En France, je sais plus comment on dit. C'est un mec qui va dans l'espace. Il va dans l'espace, il va sur la station l'ISS. Ouais. Il y a des gens, ils sont là-bas depuis un petit moment. Mm-hmm. Comment ils font pour respirer? La bombe, hein? La bombe à oxygène. Fabrique de l'oxygène. Ils fabriquent de l'oxygène, mais à partir de quoi? Comment on fabrique de l'oxygène? Et à partir de... Ils ont un tuyau. À partir de certains éléments chimiques que l'on traite, on va passer les détails, et que l'on traite pour... Ah non, c'est à partir d'eau. Hein. Ils font pipi dans une bouteille. Non, on peut dire c'est un élément chimique. Oui, c'est S2O. mais... CH2O, la formule, donc tu sépares l'hydrogène de l'oxygène. Ouais, c'est ça. Mais on ouais. peut créer à partir, parce que là, ils l'ont fait sur Mars avec le robot. C'est oui. Perseverance, oui. c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont créé. En quelques heures, ouais. il a réussi à produire 10 minutes d'air respirable pour un homme. J'ai là, par contre, ça. C'est l'avancée technologique assez pointue, ça, parce que. Ouais. Qui permettront. Avec dans des futures expéditions sur Mars. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis qui permettront dans de futures expéditions où là, il y aura l'homme d'avoir déjà une réserve d'énergie. Là. C'est même pas expédition, là. C'est, on peut pousser quoi mais, c'est colonie, là. Non, mais c'est bon, la réserve a commencé. Ils ont 10 minutes hein, déjà. Hein. Ouais, ouais. Tu respires pas longtemps. Mais... Tu vas bientôt aller en vacances sur Mars, quoi. C'est un truc. Ah non, pas en vacances, en colonie. En colonie. Tu vas habiter sur Mars si. Ouais. Moi, je me. Je sais pas, je crois que je préfère encore la Creuse. Hein. Je sais pas si Mars est très intéressant d'y habiter là-bas parce que non. ça doit être. Bon, y a bon, c'est pas grand chose à bouffer. En termes de tourisme, tu vois. Ah bah c'est bien ça. Mais non, c'est pas ouf. Bah si, t'as pas de touristes. Ah oui, non mais c'est. Oui, alors, vu comme ça, oui. Non mais je veux dire, en termes de. Je sais pas. La moi... plage sur déserte. Bah, en termes de route, c'est par exemple, que... moi qui aime bien la rouler. Ah bah là, tu peux rouler partout. Ouais, mais y a pas de route. Bah oui. Non, ça m'embête. Ça m'embête. Non mais je sais pas, mais par exemple. Le problème quand t'es sur la plage, c'est de trouver la mer. C'est clair. Mais c'est pas faux. Et il paraît qu'il y a eu de l'eau sur Mars, mais il y a très très très très très très très très très. Non mais il y en a toujours, hein. Il y en a toujours sous forme de glace. En souterrain. Ah oui, en sous forme de glace, ouais. Mais pour en revenir à Thomas Pesquet, son fameux recycleur d'oxygène, parce que je me suis posé la question et pour moi, je pensais pas que notre niveau de technologie était aussi évolué, parce que bah, je me tiens pas forcément informé de tout ce qui se passe dans le monde, ce qui est logique, entre guillemets, je m'intéresse ah bon, à la boulangerie. Pas, on peut c'est pas ce tout qu'on a cru savoir, comprendre, hein, c'est ce qu'on a cru comprendre ce soir. Mais je pensais pas qu'on pouvait vivre en fait quasiment dans l'espace, quasiment, ouais. quasiment en autonomie totale. Là, ça fait plus de 6 mois, je crois qu'il y en a qui sont là-bas. Bon, après, c'est des moyens colossaux qui sont déployés pour aussi, hein, mais oui, on peut le faire. Colossaux, et ils ont quand même quelques ravitaillements avec les navettes Dragon de SpaceX. Mais ça va. Ouais. Ils recyclent non, en fait mais l'humidité de l'air. Il y a plein de navettes. Ouais, oui. Ouais, et puis maintenant tu peux faire de la pizza en 3D. Alors, Oui, mais ça c'est un détail. En vrai, pour mais, ils recyclent l'humidité de la transpiration, ton urine et tout ça. Toute l'humidité de l'air, faut l'évacuer parce que sinon ça ferait moisir. Oui, et, bah oui. Voilà. Ils prennent tout ça. Ils purifient évidemment. Ouais. Après, ils séparent l'oxygène et l'hydrogène. Ouais. L'hydrogène, bah, ils jettent. Et l'oxygène, eh ben, il recycle en air respirable. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu respires ton urine, quoi. C'est... Tu respires ton urine. Ouais. Et il sépare pas tout l'eau, enfin toute l'eau qu'il récupère comme ça. Ils font pas que la séparer aussi. Ils en gardent aussi une petite partie comme renouvellement pour la boire. Ah, c'est sympa, hein. Tu bois ton urine. Ouais, mais en plus, oui. Ok. Il y a purifié, oui. Donc, ils perdent quand même un peu d'eau quand même à chaque fois parce que dans le processus d'air, là, faut séparer l'hydrogène et l'hydrogène pur, ça se boit pas, j'imagine. Boire de l'hydrogène pur, ouais, non. Ouais. Dans l'eau qu'on boit, c'est forcément de l'oxygène avec un peu d'hydrogène. Ouais, d'accord. Comme l'a dit Daniel, c'est H2O. Oui. C'est pas juste. De H. Trash. Enfin, H, la série. Ouais. Ça pique. Ouais. Non, je sais pas. Ok, mais oui, non, mais c'est sûr qu'on arrive à faire des choses assez géniales. Le et gars qui a inventé ça. On arrive, tu vois, et ça montre quand même quelque chose. C'est que là, on est dans des conditions extrêmes, donc bon, il faut tout un tas de technologies pour y arriver, mais tu te dis quand même que tu arrives à t'auto-suffire quelque part, quasiment. Tu vois, sans. Alors que nous, sur Terre, on emploie des moyens gigantesques pour pas grand chose des fois oui ah, non, mais clairement ouais. Mais là on se dit ils sont capables de faire ça avec une machine parce que pour moi c'était la seule chose, il y avait pas beaucoup de problématiques en fait en termes de technologie pour voyager dans l'espace et tout ça. Alors, on dérive un peu des inventions mais c'est un peu quand même dans le futur tout ça on bien aura, sûr bien sûr un petit peu parce que si tu veux aller plus loin par là ils ont alors récemment ils sont en train d'étudier parce que quand ils envoient le ravitaillement, donc il y a des systèmes, je vais dire, isolants, d'isolation, qui prennent de la place et ça prend de la place. Et ils sont en train d'étudier un système de, bah, justement, de pain, de madeleine, je ne sais pas quoi, qui dans ce cas serait équivaudrait à quelque chose qui serait congelé et qui serait, après une fois décongelé, qui pourrait être utilisé comme nourriture pour les pensionnaires de l'ISS. Et l'eau qu'ils utilisent, enfin l'eau serait recyclée, je parie, parce que l'eau de décongélation, c'est toujours de l'eau. Ouais, bah oui, évidemment. Exact. Évidemment. Ça, c'est... Parce que pour moi, très belle analyse, c'est dit. Très belle analyse. Mais du coup, si t'arrives à avoir de l'oxygène avec de l'eau, la seule chose qu'il te faut en fait pour voyager dans l'espace et aller loin, Bah, c'est de l'eau. Faf. Avec de l'eau, ils peuvent quasiment tout faire. Ah bah avec de l'eau, tu peux faire beaucoup de choses. Bah ouais, l'être humain est capable de faire beaucoup de choses. Parce que bah oui, mais en tant qu'être vivant, nous on a besoin d'eau pour survivre. Mais on arrive très bien à faire de la technologie avec de l'eau. Oui. Et on arrive même à faire de l'oxygène avec de l'eau. On peut faire pousser des plantes avec de l'eau. Ouais. On pourrait sans doute faire avancer des moteurs avec de l'eau. Ah oui, mais encore une fois, la vie sur Terre existe parce qu'il y a de l'eau et c'est essentiel à la vie sur une planète. Ouais. Donc t'imagines, on est franchement dans 50 ans, on ne doit pas être loin des voyages dans l'espace. Oh, peut-être pas très loin non plus, mais ouais, je sais pas, sur la Lune, sur Mars, tranquille, easy. Ouais, pas très loin, pas très loin, t'es gentil toi. Ouais, mais pas très loin. En c'est plus loin que La Rochelle, hein. Oui, mais bon, je préfère aller sur la Lune que La Rochelle. Moins que Jupiter. Moins que Jupiter. Ah, moi, je sais pas. Ah oui, non, moins que Jupiter, on est d'accord. Bon, on dérive, on fait très vite, Daniel, sur la fin de ton sujet, parce que sinon, on va être largement en retard. Ah ouais, on est déjà dans la merde. Ouais, non, mais c'est arrangé pour, t'affole pas, hein. Non, alors, il y en a au moins un autre dont je voulais vous parler quand même. Après, bon, on va peut-être trouver un petit gag encore restant. Ils ont créé, je vais vous en parler, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, des sacs à dos pour des patrouilles de pigeons. Oh putain, je l'ai vu ça. Alors en fait, ces sacs à dos, ils sont équipés de petits capteurs pour mesurer les niveaux de pollution de l'air. Ouais. Qu'ils envoient les pigeons avec les sacs à dos, et dans les sacs à dos, il y a de la technologie, c'est pour ça que je vous en ai parlé. L'escadron pigeon. Ouais, non, mais c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, effectivement, ça permet de mesurer et de contrôler la qualité de l'air. J'irais que dans c'est très écologique. Oui. Alors, mis à part le fait de mesurer les capteurs, mais dans l'idée, tu vois, tu n'utilises pas de moteur, tu n'utilises pas de drone et tout ça pour mesurer. C'est ça, parce c'est que le pigeon, c'est naturel. Tu pourrais utiliser un drone, clairement. Oui. Donc, absolument. Bah mais non, c'est pas bête du tout, ça ne perturbe pas en plus l'équilibre, on va dire, biologique, rien du tout. Ouais. C'est le pigeon qui passe. C'est juste bon, d'accord, le pigeon, il se fait pigeonner, le pigeon. Mais ouais, bah non, mais c'est ça. Il a plus de liberté, le pigeon. Il voit, il croise ses confrères pigeons. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en vacances? Non, je suis en mission. Je suis en mission. Ah ouais, mais attends, il gagne en prestige, le pigeon. Attends, c'est super pigeon. Il y avait un film comme ça. Le pigeon randonneur. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Vaillant. Si vous voulez regarder, c'est des pigeons pendant la Seconde Guerre. Bon, ça c'est marrant à regarder comme dessin animé. Une sorte de message. Ouais, il devait faire juste passer un messager. Ouais, Daniel. Oui, alors il y a aussi par exemple au Brésil avec le problème du virus Zika, là, avec les moustiques porteurs de Zika, ils ont inventé des patterns d'affichage qui n'affichaient absolument rien. Et qui reproduisait la transpiration et la respiration de l'homme. Okay. Pour attirer les moustiques. Attirer les moustiques. Ah ouais. D'accord. C'est pas idiot. Donc en fait, sauf que a priori. Ouais. Oui. Non mais les moustiques se faisaient griller en fait en arrivant sur le panneau, c'est ça? Bah, théoriquement c'est ça. Sauf apparemment le seul problème c'est que c'est bien, donc ils les ont installés dans des endroits à forte densité de population. Ouais. Bah, c'est attirer les moustiques qui n'étaient pas obligatoirement attirés par les panneaux d'affichage. Parce bah, que oui. La transpiration, l'odeur et puis la respiration de l'homme, bah, ils l'avaient partout. Mais ils sont cons. C'est pas faux. C'est-à-dire que oui, il y en a une partie. Il y en a une partie qui tombait dans le panneau, mais le reste, le reste contaminé les humains. Ouais, ouais, c'est moyen, effectivement. Ils auraient mieux fait de faire ça en dehors. Peut-être pas en dehors parce que ça aurait perdu aussi en efficacité, mais il fallait mettre ça dans une zone où il n'y avait pas d'humains trop autour, mais qui soit quand même assez en centre-ville. Donc. Ouais, c'est ça. Autour du centre-ville, mais pas dans le centre-ville. Bah, on peut pas réfléchir à tout non plus quand on invente quelque chose. Ah ouais, on réfléchit à inventer déjà, franchement, t'as raison, c'est ça. On peut pas tout faire. Par contre, on peut faire un démêlé du vrai du faux. Le moustique, ça vous voit pas spécialement plus qu'un autre insecte, et encore, parce qu'il y a beaucoup d'insectes, ils ont une vision assez développée. Ouais. Le moustique, c'est plus à votre odeur qui vous détecte. Oui, ils ont des sens... Profitons pour faire un point culture. Ah, mais sur les animaux, on sait que tu es un expert. Avec notre spécialiste. Je suis pas expert en moustique, mais... Non, ça va. T'es un expert en abeilles, parce que t'as un jeu d'abeilles. Ça pique même pas. Et avec sa ruche connectée. Sa chatouille. Ouais. moi, je vous parle des inventions qui sont les plus dangereuses de l'histoire, en tout cas quelques-unes des inventions les plus dangereuses de l'histoire, je l'ai spoilé un peu tout à l'heure, mais qui n'ont pas forcément été inventées pour ça, mais qui se révèlent être assez destructrices. Pardon. On écoute Nao Nao avec AZ, et puis l'émission à la maison qui continue avec encore les inventions de Teddy, et le jeu de fin d'émission qui ne sera pas un quiz, mais qui sera un Sholokoum. Je vous en dis pas plus. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Ah bah va falloir qu'on se dépêche, hein, 22h50, bienvenue sur Indestar. Là où tout commence, et 10 minutes pour finir. Et ouais, ça va être chaud, mais en même temps, on parle d'inventions. Il y a des inventions, il y en a tellement eu à toute époque. Justement, vous allez voir, on a inventé la machine à étirer le temps. Les 10 minutes vont faire plus de 10 minutes. C'est une invention géniale, ça. On va essayer de faire court sur ce sujet, sur les inventions les plus dangereuses de l'histoire, qui n'ont pas d'ailleurs été conçues forcément comme telles. On va voir que certaines, si, quand même. Hein, mais on a par exemple Alfred Nobel. Alors, c'est marrant, c'est le mec qui s'appelle comme le prix Nobel. Mais vous allez me dire. Oui, peut-être mais que c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé, effectivement. Oui, il l'a un peu inventé pour se. Comment dire ? Marrer. Non, pas pour se marrer, mais pour se dédouaner un petit peu de la faute qu'il avait commis en inventant avant la dynamite. Ah merde. En fait, il a inventé la dynamite, et puis il a vu toute. Enfin, comment, encore une fois, ça avait été repris par les militaires et les lourdes pertes qu'il y a eu de civils à cause de son invention. Et bon, il s'est dit, ouais. J'ai amassé beaucoup d'argent, entre guillemets sale, avec cette invention. Donc, pour me faire pardonner, je vais inventer le prix, une chose bénéfique pour l'humanité avec le prix Nobel. Un concours de. Enfin, non, oui. Ah non, prix Nobel, merde. Non. Prix Nobel. J'étais encore dans le truc de l'épine. Sauf erreur de ma part, les prix actuellement sont toujours rémunérés avec l'argent que Alfred Nobel avait placé. Grâce à la dynamite. Comme quoi, la dynamite. Ça marche. Ça rapporte gros. Ouais. Il y a un certain Arthur Galston qui a inventé l'agent orange, qui a été utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, qui répandait cette arme chimique sur des forêts par avion, ce qui avait comme effet, c'était un poison qui avait à l'intérieur, ce qui provoquait des maladies, des cancers, des malformations. Voilà, merci monsieur Galston, on est content. Pourtant, à la base, l'agent orange, c'était un herbicide. Voilà, donc. Ah bah oui, c'est normal que ça soit toxique. C'est pas un agent secret ? Non, l'agent. Bonjour, agent orange. C'est l'ancêtre du Roundup. Je viens vous mettre la DSL. Bon non, c'était pas ça du coup. Mais voilà, c'est souvent ça déconne après. Il y a un certain. Bon, lui, je pense que déjà dès le départ, un certain Mikhail Kalachnikov. Hein, qui a inventé la K-47, évidemment, la fameuse Kalachnikov. Lui, il y a de grandes chances qu'il l'ait inventé pour de mauvaises intentions. En fait, c'est-à-dire qu'il voulait une arme. Il voulait défendre son pays. Voilà, et ils avaient des armes de merde. En fait, on lui a demandé, comme il était ingénieur spécialisé, je crois, dans l'armement, de créer une arme qui pourrait se faire très rapidement, légère, maniable. Ouais. De façon à équiper le plus rapidement possible, le plus facilement possible, l'armée russe. C'est ça. Et il leur a répondu, vous voulez pas 100 balles et un Mars aussi? N'empêche que oui, il est devenu un héros national en Russie, mais il a vu quand même que cette arme a été utilisée aussi par des terroristes, des tueurs, donc il est venu quand même à regretter sa création. Ce qu'on peut comprendre. Et maintenant, il y a même un rappeur qui s'appelle Kalash, alors... D'accord, mais en même temps, il y avait un rappeur qui s'appelait Si Circulaire, MC Circulaire, alors du coup... Ah bon ouais tu connais pas mais, écoute, tu sais, comme les MC, MC Circulaire, je trouvais ça marrant. Il y a plein des MC, tu kiffes, MC... c'est le plus connu. C'est le plus connu, MC, tu kiffes. MC Solar aussi, éventuellement. Karam, parce que MC ça veut dire maître de cérémonie. Karam Logman qui a inventé le gaz poivre. Alors j'en parlais tout à l'heure en fait. Gaz moutarde. Non, le gaz poivre. Ah bah il y a les deux alors. Oui c'est vrai. Il y a où le gaz au sel. Donc c'est pas si vieux. Hein, c'est au début des années 60. C'était pour repousser les chiens qui attaquaient les facteurs en leur mandant le fameux mordage de mollet là. Alors attention. Oui. Je tiens à préciser. Quand Théo m'a raconté cette histoire en off, il m'a dit que c'était pour repousser les facteurs. Oui. Non, bon, d'accord, oui. J'avoue que ça marchait beaucoup. Enfin, je préférais cette version-là. Je me suis planté. Un gaz qui repousse les facteurs. Non, là, ça c'est excellent. Les chiens qui mordent des facteurs. Ça doit aussi marcher sur les facteurs, je pense. On n'a pas testé. Mais en tout cas, le FBI, il s'est dit, ouais, tiens, il y a une arme, autant en profiter, quoi. Et puis là, paf, ça fait des chocs à pic. Encore pire. Mr. G. Roberts Oppenheimer, qui est l'inventeur de... Oppenheimer. Non, de la bombe atomique. Qui est un physicien américain très talentueux, hein, qui s'est concentré pendant la Deuxième Guerre mondiale avec son équipe sur la fabrication d'une bombe qui pourrait mettre fin au conflit. Bah, tu m'étonnes que ça mette fin au conflit. En juillet 1945, il y a deux bombes qui étaient opérationnelles dans chacune des filières. Donc, ils ont testé le 16 juillet 1945. Et la première bombe atomique qui s'appelait Gadget. elle a explosé lors du test. Et là, après qu'il ait vu ça. Non ouais, mais non. Non, ça n'a pas été. Mais putain, une bombe, le but, c'est pas d'exploser quoi. Ça, ça a explosé un peu inopinément, mais c'est surtout qu'après avoir vu ça, il s'est dit que c'était pas forcément la bonne idée quoi. Mais bon, c'était trop tard. C'était inventé, les autres ont fait ah, si, si. Alors là, le Japon, il est mort. Après, pour la défense d'Oppenheimer, il a pas inventé que ça de génial. Il a inventé plein de trucs. C'était un physicien théoricien. Ah oui, oui, oui, c'est exactement. Tu le connais personnellement c'est... J'ai vu quelques petites études. Ok, très bien. Non, j'ai regardé The Big Bang Theory, voyons. Ah. Enfin, une dernière dans un domaine bon moins meurtrier mais très chiant. Il y a monsieur Ethan Zuckerman qui a inventé la Zuckerberg. Fenêtre. Non, Zuckerman, mais elle est pas loin. Il a inventé la fenêtre pop-up sur internet. Ah, bah c'est le cousin de Mark Zuckerberg. Zuckerberg, ouais, peut-être. Bon, vous savez, la fenêtre pop-up, c'est celle qui s'ouvre pleine de publicité là, qui vous embête quand vous surfez sur internet. Et moi, j'ai un problème, j'ai pas trouvé la poignée pour la fermer, moi. La fenêtre, ouais, bah c'est clair. Et dans une tribune qui a été publiée sur le site américain de l'Atlantique, il a été présenté ses excuses aux internautes. Il a dit, il est clair aujourd'hui que ce que j'ai créé, c'est un fiasco. Voilà. Mais encore une fois, c'était pas inventé pour c'est ça. C'est pas un fiasco, ça marche. Ah bah ça marche très bien. C'est comment dire? C'est un cancer de l'humanité. C'est... Ah oui, non mais en fait, encore une fois, parce qu'une fenêtre pop-up dans l'absolu. Hop, si c'est chiant. Non, c'est. Non, c'est ça. Une fenêtre en pop-up. Pop-up. Non mais tu vois pas de bonne utilité. Peut... Si, bah si par exemple tu es, alors ça ne fait pas sur le site Indestar, mais t'as certaines radios, par exemple, quand tu veux ouvrir le player, donc pour écouter la radio, ça s'affiche une petite fenêtre pop-up qui va te permettre de, je sais pas, de d'aller sur d'autres sites tout en gardant cette petite fenêtre dans un coin. De ton écran sans être embêté. Donc dans ce cas-là ou dans d'autres cas, c'est une utilité, tu vois. Mais tu l'as par exemple sur Wikipédia quand tu as des liens. Ouais. Tu glisses juste ton pointeur de souris dessus et t'as la fenêtre pop-up qui à ce moment-là qui arrive et qui te donne la description, les des informations sur ce que tu sur le lien. Donc il y a des très bonnes utilisations, sauf qu'effectivement pour nous la fenêtre pop-up à 95% du temps, c'est de la publicité, donc c'est quelque chose qui va nous embêter. Certes. Voilà. Après, il y en a plein d'autres, hein, des inventions qui peuvent nous gâcher la vie, mais c'était une liste non exhaustive. Teddy, avec toi, on parle de quoi dans un instant? D'inventions. Ah oui, alors incongru. Ça c'est pas mal. Incongrues. Ouais, il y a certaines incongrues et d'autres. Congrues. Fallait les connaître. Il y en a des congrues et des incongrues. Des congrues et des compactes. Je voudrais faire une précision ce soir. Uh-huh. Nous avons eu une invention en direct. Indestar a inventé le Théo qui fait le sujet en moins de 10 minutes. Ah ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai. J'étais rapide sur ce coup-là. Mais attends, on n'y est pas fini. Oui, non, mais pas. Justement, voilà, si on veut pas que ça soit un fiasco, on va lancer la musique maintenant. Voici Funk in the Sky, c'est signé Bootleggers United sur Indestar. Et dans un instant, c'est Teddy aux manettes. Quelle transition parfaite. Ouais, non, mais je fais. Did just save my life. 1983, Indeep. C'était Indeep en 1983, la scène de DJ Save My Life. Exact, ça me rappelle des souvenirs, exact. Avec le bruit de la chasse d'eau à la fin, là, c'était terrible. Bon, bref, revenons en 2021 avec cette émission à la maison en direct, puisque, oui, on a repris les émissions en direct. Et on parle d'inventions ce soir, avec quelques inventions de Teddy, enfin non, pas de Teddy, mais que tu as sélectionnées. Oui. Est-ce que tu as dit les inventions... Il y a eu un comme sorte d'écho, ouais. Ouais, je n'ai rien fait, je l'avoue. C'est très perturbant. Il y a juste eu une phrase. Alors, faut savoir, la technologie, des fois, c'est très étrange. Il y a eu un écho, mais juste pour une phrase. Ouais. Pourquoi? Pourquoi comme c'est si pas genre... en fête foraine, animateur de fête foraine en une phrase. Bah ouais. Mais c'est excellent. C'est excellent. Bon, bref, en parlant de ce qui est excellent, on va parler d'invention. Alors... tout à l'heure, t'as parlé d'invention, comment dire, qui n'était pas créée dans le but de faire du bien. Ouais, mais qui finalement faisait du mal. Oui. Tout à l'heure, Daniel a parlé d'invention. C'est pas mal celle-là. Comment dans le but de faire du bien, mais qui faisait du mal. C'est ça. Ouais. Daniel a parlé d'invention, on va dire loufoque. Et technologique. Et technologique. Moi, je vais parler d'inventions alors non technologiques pour la plupart. Ouais. Peut-être qu'il y en a. Aussi loufoque, aussi, quand même, clairement, loufoque. Et des fois, pas forcément très utile. Ou alors... Ouais, ah, t'as des tas d'inventions, tu te demandes à quoi ça sert. Oui. Ouais. Comme par exemple... Et ben, occuper l'inventeur. La fourchette à spaghetti. Ouais. Alors ouais, parce que le vrai problème, c'est quand tu manges tes spaghettis que ça tombe tout seul, quoi. Ouais. Mais d'où tu vas créer une fourchette spéciale pour moi pour ça? Ouais. À moins que tu sois italien, ça sert oui, à rien. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Si t'es italien. Oui. Alors la fourchette à spaghetti, faut savoir. Déjà, faut connaître la règle. Enfin non. L'art de manger des spaghettis à l'italienne. Donc tu coupes pas tes spaghettis. Ouais, c'est ça, t'as pas le droit de les couper. Parce que moi c'est réglé, hein, je les coupe à la base et c'est bon. Tu les Non, sacrilège moi. Tu les aspires pas non plus. Tu fais jeter de la table, hein. Bah ouais, mais je suis pas italien. Tu les aspires pas non plus. Parce que ça c'est en Chine qu'ils font ça. Voilà. On l'a fait en même temps. Il est chinois. Nous savons tout. Théo est chinois. Non, vietnamien. J'ai du sang vietnamien, monsieur Daniel. Chinois ou japonais d'ailleurs. Mais c'est un art aussi, parce que aspirer les nouilles comme ça, c'est surtout pour les faire bouger vite et les refroidir. Parce que les nouilles sont vraiment très chaudes. Ouais. Voilà. Mais alors que nous en Italie, ah bah non, tu te brûles la gueule, point barre, c'est tout. Pourquoi tu dis nous en Italie? Nous, parce que je me sens concerné par les spaghettis. Ouais, alors dans l'âme. Les nouilles, c'est mon plat préféré. T'aimes les pâtes, clairement. Okay, ouais. J'en ai mangé ce midi, j'en mange tout le temps. Ok. Alors, la nouille à spaghetti, enfin, la fourchette, non, c'est pas. La nouille à spaghetti, j'ai vraiment dit ouais, ça. Ouais, t'as dit la nouille à spaghetti. Comme tout à l'heure, t'as dit les inventions néfastes qui font du mal. Ouais, ça, c'est normal. tu prends ta fourchette, tu la plantes dans tes pâtes et tu tournes. Ouais. Et après, tu manges. Ouais. Une grosse fourchette, j'ai dit une grosse cuillère, mais non. Et ben, tes spaghettis, quand tu vas les tourner, enfin, quand tu vas tourner ta fourchette, ils vont avoir tendance à glisser de ta fourchette. Oui, c'est ça le problème. Hein. Souvent. Mmh. Et ben là, cette fourchette à spaghettis spéciale, les branches de la fourchette, ils sont ondulés. Du coup, les spaghettis glissent beaucoup moins bien. D'accord, ça se prend entre les griffes de la fourchette. Ouais. C'est ça. Ah. Par contre, le look de la fourchette est. Bah ouais, t'as des fourchettes avec des pics métalliques tout ondulés. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ça peut faire esthétique d'une certaine manière, hein. Ça peut faire impression quand t'as des invités, mais par contre. Ou alors ta fourchette elle a morflé quoi. Ouais, voilà quoi. Elle a pris cher, non, clairement. Ouais, c'est bon, c'est une bonne solution pour recaser tes fourchettes justement qui ont morflé ça. Ouais, bon, c'est des pas faux. Fourchettes à spaghetti, tiens. Bah, tu sais, on a fait la même chose avec les jeans, hein. Quand les jeans troués, on a dit, c'est la mode. Bah, ok, d'accord, c'est la mode. Et comment recycler tes jeans? C'est pas faux. J'ai une autre invention. J'en ai plein des inventions de toute façon. Faudra juste dire stop à un moment. D'accord. C'est une invention pour vous, messieurs ou mesdames, qui adorez les chats. Ah bah moi, oui. Toi notamment. Guigui, si tu m'écoutes. Guigui, si tu nous écoutes. Papa arrive avec la pâtée. Ah, c'est pas une pâtée, c'est avec une table. Hein. Avec une... Ah, c'est plus encombrant. Ah ouais, c'est une table spéciale. Une table à manger pour nous, humains. Ouais. Mais un peu spécial parce que la table a fait genre, je dirais 30 ou 40 cm d'épaisseur. Ouais. Et dedans, en fait, il y a des galeries, des assez grosses galeries. Ah, ça fait un labyrinthe pour chat. Ça fait un labyrinthe pour chat. C'est mignon. Par contre, tu peux avoir un chat qui peut te surprendre quand t'es en train de bouffer et de piquer ta bouffe, genre tu sais juste la pâte, hop là. J'avoue, il apparaît un trou en terre, clac, il prend l'assiette. T'as tes spaghettis, t'as pas une fourchette à spaghettis, d'où l'utilité, ça tiendrait. Oui. Va pour manger tes spaghettis, il te saute dessus, paf, les spaghettis. Ton spaghetti tombe pas par terre, c'est ton chat qui ramasse. Voilà. Après, oui, bah, après que ça soit dans une table, pourquoi pas, mais ça peut être dans n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux faire un labyrinthe pour chat sous ton lit, tu peux le faire, enfin vraiment n'importe où. Oui, mais c'est moins marrant, tu ne comprends pas les invités en train de manger. En lit, ça aurait été plus logique quand même. Alors que vrai qu'en table, effectivement, quand t'as des invités, déjà t'as les fourchettes à spaghettis, ça fait très bizarre. Mmh. Mais en plus, ta table est pleine de gruyère. C'est très chelou, hein, clairement. Alors sur l'image que j'ai, ils ont des trous, on va dire, sur les bords de la table. Oui. Mais ils en ont un au-dessus aussi. Ah ouais, c'est pour prendre tes spaghettis. C'est moins pratique quand même pour manger quand t'as plus de table. T'imagines le chat, il tombe dans le trou, enfin pour aller dans son truc. Ouais, c'est un peu chaud. Faut pas qu'il soit trop gros non plus le chat, sinon il va se coincer à l'intérieur de la table. Parce que effectivement, ouais, si ton chat reste coincé, bah t'as plus qu'une seule solution parce qu'elle s'ouvre pas la table. Hein. C'est un gros coup de massue. Hein. Tu défonces la table. Oh, la traumatise le chat, plus ça. Ouais, ouais. Bon. Invention beaucoup plus utile, et là franchement si j'avais un canapé avec des accoudoirs, j'aimerais cette invention. Ouais, elle est hyper simple, cette invention. Elle est hyper simple. Oui, c'est trois bouts de planche fixés l'une à l'autre. En fait, c'est trois bouts de planche mis en U. Oui, inversé. En U inversé, donc retourné plutôt. à l'envers et vous le posez sur votre accoudoir. Mmh. Comme ça, ça vous fait un petit comptoir, un petit bar. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous pouvez poser votre verre. Bah comme t'as la même chose qui existe et qui est plutôt pratique quand t'es fan de petits déjeux au lit. Oui, l'espèce de U qui te place au-dessus. Voilà, ça te fait une sorte de plateau, mais sur pied. Alors, c'est pas si pratique que ça. Vaut mieux les trucs d'hôpital. Ouais, j'en ai un chez moi. Mais, okay. Parce que si tu bouges, en fait, tu tires la couette à coup. Ouais, c'est... Ah, ouais, tu veux dire, vaut mieux. Ouais, l'hôpital, c'est vrai que t'es sur pied. C'est un petit chariot terre. Qui se met à côté du lit et pouf, voilà. Et si tu veux un truc à deux, sinon tu fais un banc beaucoup plus grand. Bah oui. En fait, qui prend. Ou t'en mets deux. Non, mais tu sais qu'il prend chaque côté et qu'il fait toute la largeur, comme ça tu peux mettre carrément dessus une télé, tu peux mettre. Enfin, tu vois. Après, il y avait autre chose que j'avais vu aussi, c'est au pied du lit, t'avais comme une genre de commode. Oui. Ouais, c'est ça. Qui faisait tout le lit, et en fait ça se glissait. Tu peux l'avancer, c'est exactement ça que je pensais, Ouais, tu le mets sur roulette et puis ça te fait table, tu peux rester au lit toute la journée. Exactement. C'est très bonne idée. Alors, surtout pour compléter, j'ai vu une petite invention, je fais une petite aparté, excuse-moi. Mm-hmm. Des lunettes spéciales pour lire quand t'es allongé au lit. Avec une petite lumière? Une frontale? Enfin, pas frontale. T'es couché, t'as le livre posé comme si t'étais pas couché, mais t'es couché, et les lunettes. Ah oui, elle change ta vision de sens. Ah. Change des fractions. Alors, il me faut ces lunettes pour le boulot. Non, je déconne. Pour le boulot. pour jouer aux jeux vidéo. C'est un boulot pour moi. Ah, d'accord. Dans Peck Avenger, à l'époque, quand on faisait Peck Avenger, j'avais besoin de beaucoup jouer et tout ça. Et forcément, quand je joue au lit, même en ce moment, je joue à la Switch. Le problème, c'est qu'il faut tenir l'écran de la Switch et les manettes. Ouais, non, c'est chiant. Mais c'est vrai que même un livre, au bout d'un moment, la position n'est pas hyper confort. Ouais, puis alors que être totalement allongé. Alors, il y a des trucs qui se font, hein, des trucs que tu accroches au plafond et tu accroches ton truc. Un miroir. Le livre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut tourner la page. Donc ça s'applique pas trop au livre. Par contre, là, effectivement, l'idée de Daniel, les lunettes comme ça, ouais. Parce que là, tu peux tenir ton bouquin. Ouais, c'est ça, ton livre, tu le tiens, mais si tu le tiens à plat, ça va, il est pas chiant, tu vois, à tenir. Non, mais je parlais pour l'idée du plafond, ça s'adapte pas trop au livre, par contre, ça s'adapte aux jeux vidéo. Ouais. Tu mets un écran, genre l'écran de la Switch, je pense, et ta manette de Switch, tu l'as dans ta main. Ouais. Forcément, là, t'es allongé totalement. C'est tout bête, ça. Tout bête, faut flusher un truc au plafond, j'ai la flemme. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas l'invention du siècle, c'est juste une question d'ergonomie, quoi. Mais c'est tellement pratique. Ouais. Objet suivant. En parlant d'objet pratique. Avant-dernier objet. Alors, cet objet-là, c'est une multiprise. Oui, j'aime bien le concept, tu me l'as expliqué en antenne. J'aime bien. Alors, pour vous la décrire, en gros, ça fait deux pieds de chaque côté, avec le fil qui sort d'un des pieds. Et en plein milieu, ça fait comme une espèce de barrette de multiprise. C'est moi ou ça ressemble à un chien un peu? Un teckel. Alors, un chien teckel. Robotique. Ouais, un teckel. Ouais. Un teckel. Mais t'as beaucoup d'imagination. Ah bon, d'accord, ok. Mais oui. Le seul rapport, c'est le T, tu vois. Non, pas. Mais j'ai l'impression que la queue, en fait, c'est le fil électrique qui est posé sur ses pattes. Beaucoup d'imagination. La queue, c'est pas le ventilateur qui tourne. Non, il n'y a pas d'électricité pour faire tourner ça. Enfin, si, il y a besoin d'électricité pour la faire marcher, on va dire. Alors, mais, comment ça fonctionne? Alors, cette multiprise, elle a plusieurs particularités. Première. Teckel, moi. Ah, le teckel, non, il n'y a pas d'électricité, effectivement. Les particularités, l'une des particularités de cette multiprise, et l'une des particularités les plus intéressantes, c'est que chaque prise de la multiprise, là, il y en a 6 sur celle que je vois, ils peuvent se tourner sur un axe. Ce qui est très pratique pour mettre des grosses prises les unes à côté des autres. Exactement, parce que souvent, nous, nos multiprises en Europe, alors là, c'est pas une multiprise Europe, c'est une multiprise anglaise, je crois, ou américaine. Comment dire, vous pouvez pas mettre deux grosses prises, genre un branchement de console. Ouais, les l'une deux à côté de l'autre. Surtout s'il y a un transformateur. Exactement. Mm. Le transformateur, généralement, il est après, mais il y a toujours un gros bloc. T'as des transformateurs qui sont directement sur la prise. Ah, mais pas sur les consoles. Les consoles, j'en sais rien. Mais... Peut-être pas les consoles, mais les téléphones fixes, les petits appareils. Les blocs source. Ouais. Si tu veux, on peut appeler ça comme ça, Mais encore, les blocs source, c'est. Si. Parce que moi je suis iPhone, du coup, moi le fil il sort par le dessus du bloc source, pas sur le côté. C'est ça. Ouais, mais peu importe en fait. Ah bah non, sur le dessus ça gêne pas, tu peux en mettre d'autres en fait. T'as le bloc qui peut gêner éventuellement. Ouais, c'est ça, c'est le bloc. Alors sur un téléphone. Non, même pas, parce qu'il est fin le bloc. Non, sur un téléphone ça va. Ah, d'accord, s'il est fin. Sur un téléphone ça va. Mais c'est iPhone, c'est particulier, mais les. Ouais, non, mais même un téléphone. Enfin, classique ça va, mais je te parle des blocs, des transos un peu plus gros, pour. Mais il y a plein d'autres éléments électroniques. Genre, je sais pas, on va dire. Alors, mettez pas un frigo sur une multiprise avec d'autres trucs, évidemment. Non. Mais genre, une prise de frigo, c'est assez gros, beaucoup de trucs sont assez gros. Donc bref, là vous pouvez tourner les prises de faire en sorte que bah ça s'emboîte bien en fait. Ouais. Vous pouvez les 6 prises peuvent être utilisées en même temps. Ça c'est cool. Bah ouais. Et il y a même ils ont poussé le vice encore plus loin, c'est que t'as peut-être pas forcément besoin d'une multiprise à 6 prises. Mm-hmm. Alors tu au lieu de diminuer... créer bah ouais, en fait tu peux enlever des prises, c'est comme tu un peux Lego. Faire une multiprise en une prise. Bah ouais. C'est plus une multiprise. C'est plus une multiprise, mais ça peut marcher. Et alors, moi, le hic, tu vois, tout à l'heure, on parlait des coûts de conception et du recyclage, etc. Et puis de la pollution que tu peux avoir en conception. Là, c'est plus le coût de conception. Je me dis, c'est génial dans le principe d'avoir une multiprise où tu peux tourner tes prises et pas en avoir deux à côté, etc. Par contre, je me demande combien ça coûte. Parce que. Si t'as multiprise comme ça hyper technologique avec des charnières de partout etc et 4 fois plus cher qu'une multiprise classique, je me dis ok c'est génial que ça existe, mais moi à la maison je vais plutôt acheter 2 multiprises, ça me coûtera 2 fois moins cher et j'aurais résolu aussi le problème à ma manière. C'est pas faux, mais c'est quand même beaucoup moins. Il y a quand même une autre question qui se pose là, ce que propose Teddy. Alors toi, dans ton cas, Théo, c'est par exemple, tu branches, t'as ton ordinateur, ton téléphone, ton frigo, ce que tu veux, mm-hmm. ça va rester pendant des mois, ça va pas bouger. Ouais. Alors que ce qu'on propose Teddy, ça peut être quelque chose. Tu le mets, on va dire, à la vue de tout le monde, et puis ben sur la journée, tu peux brancher 10 fois tes prises dessus. Ou, ouais, ou c'est quelque chose dans des espaces plus modulaires, voilà. Ouais. Mm-hmm. Voilà. D'un côté utilitaire, si c'est utilisé couramment, c'est pas idiot. Ouais. Ou dans un petit espace, je sais pas si c'est un camping-car ou des choses comme ça, où t'as ce besoin de changer du matériel, t'as pas toujours le même matériel. Ouais, genre branché là, tu dois brancher endroit, ta etc. machine à café, mais du coup t'as qu'une prise, du coup tu obtiens. Ouais, places, et puis t'as pas forcément énormément de place non plus pour mettre 3 multiprises là. Ouais, bah, c'est vrai qu'une multiprise à une prise, c'est vrai que c'est un peu con. Ouais, ouais, c'est clair. Là, quand on arrive là, effectivement, ouais. Et enfin, la dernière invention, ouais. Alors elle, ça va être tapé dans le débile et dans le pas ouais, très pratique. Hein. On aime bien. Clairement, le couteau suisse pour agriculteur, comment vous expliquez ça est-ce que c'est un couteau suisse? Ouais. C'est un couteau avec plein d'éléments dedans. Oui. Et ben là, ils ont inventé le même pour agriculteur. Donc dedans, tu as une pelle, tu as une bêche, tu as une fourche, tu as une faux, tu as... C'est le couteau paysan français. Ce que c'est. Ouais. Il y a 6 éléments. Photo, c'est extraordinaire. Il y a 6 éléments dedans. Par contre, alors le couteau suisse, autant ça tire dans la poche, ouais, non, là, autant celui pour agriculteur. La photo que, il fait un mètre qui est affichée. Ça tient dans la poche du tracteur. C'est tout sauf pratique. Bah ouais, le machin doit peser une tonne. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? C'est vraiment sans déconner. L'invention, tu te dis, mais on comprend que c'est pas existé avant, tu vois. On a creusé une tranchée à Indestar, devant Indestar. Ouais, ça nous a pris une demi-heure à peu près. Et encore. Ouais, si, ouais. Une bonne demi-heure quand même. Une demi-heure et on avait juste une pioche normale. Oui. Là, t'es passé à deux jours là. J'ai un écho? Non, c'est moi qui ai un écho quand je parle. Et ben, juste pour ça déjà, tu vois, c'était épuisant et tout ça. Mais imagine le gars qui a un couteau suisse avec 6 éléments dedans à creuser et encore, il dit c'est un agriculteur, il va pas s'amuser à faire tout son c'est champ. C'est lourd, comme ça. C'est encombrant, c'est tout ce que tu veux sauf pratique. C'est complètement inutile. C'est de la merde. Ça a juste le mérite d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais je me vois mal en étant industriel se dire ouais, c'est génial, Gérard, on prend ton produit, tu vois. C'est... Non. Non, il y a des choses qui n'existent pas et on comprend pourquoi ça n'existe pas. Ça n'a pas de mérite d'être inventé. Ah, mais ouais, clairement. Clairement. Bon, en tout cas, merci pour cette petite liste. Attends. Oui. Avant que tu lances la suite, je voudrais juste lancer un défi d'invention à Teddy, notre cher boulanger. Hein, ouais. Est-ce que tu pourrais nous inventer un pain? Ce serait le pain à Teddy. Le pain alors, dans ta gueule. J'en ai déjà inventé plusieurs. Mais le dernier en liste que j'ai inventé, non, c'est pas le pain dans la gueule. C'est rien, moi. Je me suis senti un peu seul sur cette vanne, mais. Non, le dernier que j'ai inventé, c'était un peu une erreur et c'est souvent comme ça qu'on invente des choses. Ah, le pain orange. Le pain plus ou moins orange. C'est un mélange de pain au maïs et de pain de campagne aux noix. J'ai pas fait exprès en fait. Il me restait du campagne aux noix dans mon pétrin et j'ai lancé la recette de maïs dedans. Du coup, ça m'a fait un pain ouais, entre mi-orange avec des noix et tout. Uh-huh. Et c'était pas mauvais, ça s'est vendu cette merde. Donc, Vu comment tu le vends là, ça donne envie, mais bon, ouais, non, j'imagine. Alors, oui, je dis cette merde parce que c'était une erreur en fait de ouais. ma part. Mais, là, mais je l'ai mis au magasin et tout, c'est bien vendu. Contrairement à ce que tu disais en début d'émission, là la personne ne peut pas retrouver le même pain le lendemain parce que tu l'as fait qu'une seule fois ce pain là. Si c'est... je peux le refaire parce que j'avais la recette de... Ouais. J'ai lancé ma recette de campagne et j'ai lancé ma recette de maïs. Mais là si je vais dans ton magasin demain, je vais pas le trouver. Non, parce que... Je serais déçu, je vais pleurer. J'ai pu revenir. Ah oui. Terminé. Je le garde comme recette personnelle vu que. Ouais. Non, mais comme ça, c'est je le lancerai quand j'aurai ma propre boulangerie. Non, C'est le pain voilà. Casimir, tu l'appelles. Le pain Teddy. Non, je lui avais trouvé un nom, mais je me rappelle plus. Mais bien Casimir. Oui, j'aimerais bien que tu nous fasses le pain Teddy. Là, quelque chose vraiment qui soit Teddy, pas une erreur, pas le Teddy. Le Teddy. Ça serait un truc entre la tradition. Teddy le Teddy bread. Ça serait un truc entre le pain de tradition et la baguette, enfin le pain au maïs, je pense, avec un peu de semoule dessus, parce que j'aime bien ça. T'aimes bien la semoule? Ouais, ouais, ça fait une belle décoration sur les baguettes. Ah ouais, c'est vrai. Ou alors de la pareille à tigrée. Tu pourras nous faire un de ces jours? Oh oui. Enfin, alors chez moi, c'est compliqué parce qu'un four à pain. Un de ces jours, on n'est pas, à 10 ans près. Hein. Oui, voilà. Quand t'auras un four à pain à la maison, tu nous le feras. Quand Linda aura versé sa boulangerie, que je travaillerai pour elle. Quand tu travailleras pour Linda? Bah, bien sûr. D'accord. Okay. D'accord. Mais oui, je peux imaginer des pains, ça c'est très facile à faire en vrai. Ok. Hein. Non, mais Même Théo peut le faire en fait. Oh bah oui. Le pain, non mais vraiment le pain qui représente Teddy. Ouais. Voilà, c'est moi, c'est le pain, c'est moi. Un pain signature, ok. Et je te dirais même. C'est ça. Ça va te coûter cher. Hein. Le truc le plus unique qu'il y aura dedans, ce sera pas forcément la recette, ce sera le lamage. Parce que le lamage, on dit souvent, dans le métier, on dit que c'est la signature du boulanger. Ouais. Et mon lamage est quand même. Un petit level assez haut. Moi je fais des Z. Je sais. Non mais moi je t'invente des pains. Après on a pas dit que ça serait bon. Hein. C'est ça tout l'enjeu du truc. C'est comme ton invention avec la pelle et le râteau à incorporer. Ah oui, tu l'inventes. Hein. Tu sans problème. Hein. Après on a pas dit que c'était utile. Hein. Bon, on va jouer à un jeu que je viens d'inventer. Pour terminer l'émission, pas de quiz ce soir, mais un sholokoum. Je vous explique la règle du jeu que je viens d'inventer dans 3 minutes. Avant, on écoute Anna Free. Oui, avec Girlfriend sur Indestar. C'est pas ta girlfriend. Ouais, quoi? C'est ma femme, my wife. En fait. Parce qu'on est con ou confiné. L'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Faux, madame, faux. Alors évidemment, là vous avez sur Indestar en 23h24 la musique du quiz, mais ce soir c'est invention, donc ce soir c'est nouveau jeu, et un jeu qu'on va faire qu'une seule fois parce que vous allez tous perdre, donc il n'y aura pas de perdant et de gagnant ce soir, c'est sûr. Voilà, bon, mais quoi que je suis peut-être un petit peu médisant, parce que ça se trouve vous allez cartonner à ce fabuleux jeu du Sholokoum. Oui Teddy, tu voulais dire? Mais qui dit nouveau jeu dit nouveau bête? Ou même nouveau générique. Nouveau générique. Nouveau générique. Ça, c'est un motus le cost. Ah, bout de téléphone. Évidemment, bienvenue au Sholokoum. Exactement, mesdames, messieurs, bienvenue au Sholokoum. Bienvenue à nos deux candidats du soir. Nous avons Teddy. Bonjour Teddy. Bonsoir Théo. Et nous avons de l'autre côté Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Théo. Teddy, vous faites quoi dans la vie? Alors Daniel, vous faites quoi dans la vie? Je sais pas, je viens de taquiner, donc je sais plus ce que je fais. Très bien, nos deux candidats qui sont au taquet ce soir pour jouer au fabuleux jeu du Sholokoum, dont chacun connaît évidemment la règle du jeu, mais je vais quand même la rappeler pour les novices. Il s'agit de poser le début d'une question et de devoir répondre par la fin de la question grâce à un indice, avec trois niveaux évidemment qui vont graduellement du niveau facile au niveau difficile. Si le meilleur d'entre vous obtient un maximum de bonnes réponses au niveau difficile, il gagne une claque dans ta gueule. Merci d'être fidèle au jeu du Sholokoum. Eh ben, je suis bien content d'être à la maison, moi. Nous allons commencer par la première marche. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à la première marche du Sholokoum? Ouais. Ah oui, pardon, merde. Ah, oh putain, c'était le moment. Sholokoum. Super. Attention, première question. Vous allez très vite comprendre la règle du jeu. Comment s'appelle le personnage célèbre de... À vous de trouver la réponse. Mickey. Je vous donne un indice. On le compte sur 10 visages. On le compte sur 10 visages. Comment s'appelle le personnage célèbre de... Monte Cristo. C'est le conte de Monte Cristo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Non, c'est pas ça. L'indice, on le compte sur 10 visages. Qu'est-ce que l'on a sur le visage, Teddy, à votre avis? Les yeux. C'est faux. Daniel, ouais, à votre avis? les cheveux. C'est faux. Teddy. Les boutons. Soyez un peu plus perspicace, s'il vous plaît. Daniel, sur un visage, on a... Le nez. Oui, on a un nez, effectivement. On le compte sur 10 visages. Si l'on a un nez sur 10 visages, il y a... Dîner. Il y a Dîner, il y a Disney, effectivement. Comment s'appelle le personnage célèbre de Disney? Évidemment, c'était... Je l'ai dit, j'ai dit Mickey. Ouais, c'est pas faux. Teddy, vous gagnez un demi-point. Merci. Attends, je voudrais remercier le Sherlock Holmes, car grâce à lui, je sais que nous avons un nez sur le visage. Mais non, on a un nez... Non, on en a 10 sur un visage. Non, on en a 10 sur 10 visages. Ah oui. Visage. Ouais, évidemment. Ouais, j'avais pas. Donc, mathématiquement, ça fait un nez par visage. C'est pas à moins faux. Que quelqu'un soit mal foutu, et êtes... l'autre, quelqu'un, il en a deux et l'autre n'en a plus. Vous êtes rudement fort en calcul, mon cher Daniel. Vous nous avez caché cette faculté. Attention, deuxième question. J'allais pas tout dévoiler mes atouts. Hein. On vous comprend, vous le faites au fur et à mesure du jeu et c'est tout est à votre bénéfice. On y va pour la deuxième question, toujours step numéro 1. Qu'est-ce qu'un... C'est tout. Non, on est toujours au step numéro 1, t'as dit. Qu'est-ce qu'un indice quand on se cogne deux fois? Alors, quand on se cogne deux fois, à votre avis, Teddy? Qu'est-ce qu'un bleu? Ah, vous y êtes presque, mais c'est pas la bonne réponse. Daniel, quand on se cogne deux fois... On a un bobo. Oui, c'est-à-dire que l'on a deux... Blessure. C'est deux fois, c'est pas blessure, ça Teddy. Ça serait, pour vous, Daniel, ça serait... On a deux... Ça commence par le... Non, ça, je vais pas le dire, hein. On en a deux, mais je sais, mais je vais pas le dire à l'antenne. Hein. Alors, on parle bien sûr de blessure. Hein. Quand on se cogne, restons en focus sur le sujet, s'il vous plaît. Quand on se cogne, on a deux... Nyon. Enfin, on peut avoir deux... À votre avis, Teddy? Deux... Boss. Deux boss, effectivement. Alors, c'est un dromadaire ou un chameau, je sais jamais. Chameau, évidemment. Qu'est-ce qu'un chameau? C'était la bonne réponse. Bravo, Teddy. Ah putain. Vous gagnez un point supplémentaire, Sholokoum. Alors, wow. Troisième question. Un champ de... À votre avis? Indice, ça nous le fait, au jeu du tournis. À votre avis, Teddy? Au jeu du tournis. Un champ de maïs? Non, c'était pas maïs. À votre avis, Daniel? Eh bien, milquet pour le tourniquet, mais il n'y a pas de champ de quai. C'est pas ça. Ça nous le fait au jeu du tournis. À votre avis, Teddy? Un champ de tournesol. Oui, effectivement, au jeu du tournis. Oh, quand on joue au jeu du tournis, on voit que tourne le sol. Oh là là, c'est bon. Là, je suis face à un candidat redoutable. Hein. Il est redoutable. J'ai regardé beaucoup de Camoulox. J'ai de l'expérience dans le... Dans je le finirai pas ma phrase. Alors, question supplémentaire, et ça sera la dernière question du step numéro 1. Qui a découvert, à votre avis, indice, la bijouterie du centre-ville? Qui a découvert, indice, la bijouterie... Ma femme. C'était pas la bonne réponse, Daniel. À votre avis, Teddy? Le maire. Le maire? Pourquoi le maire? Je sais pas. La bijouterie du centre-ville? Non, c'est pas ça. À votre avis, Daniel, elle est plus dure, celle-là, j'avoue. Elle disait que les autres n'étaient pas faciles, elle est plus dure. Ma maîtresse. Non. Ma maîtresse, c'est pas ma femme. Vous n'y êtes pas. Nous ne sommes pas sur une personne. Teddy. Collier. Non plus. Daniel. Attends, il a découvert la bijouterie du centre-ville, c'est le décolleté qu'a ma femme. Non. Il y a le collier de la bijouterie dessus. Il vous reste seulement... Il y a toute la bijouterie sur ta il femme. Il vous reste seulement une proposition. À votre avis, Teddy, qu'est-ce que ça peut être? L'indice, c'est la bijouterie du centre-ville. Il n'y a pas un buzzer indice ou appel à un ami? Non, il n'y a qu'un seul indice et c'est votre dernière possibilité de réponse. Bracelet. Non, c'est pas ça. Non. Enfin, Daniel, quelle est votre dernière proposition? Je peux avoir le 50-50? Non plus, ça n'est pas... Ça, c'est dans l'émission. On enlève une moitié de réponse. Eh bien, attendez, il va dire la montre, parce qu'on montre la bijouterie. Eh bien non, c'était le Luxembourg, la bonne réponse, parce que la bijouterie du centre-ville, le Luxembourg, car la bijouterie du centre-ville, c'est le luxe dans le bourg, effectivement. Mais si c'était une bijouterie low cost. C'était pas du tout tiré par les cheveux. je crois que Théo a passé un doctorat en Sholokoum. En jeu de mots pourris, oui, tout à fait. Nous allons atteindre maintenant le step numéro 2. Là, c'était facile jusqu'à maintenant. Nous allons avoir quelque chose de plus difficile. C'est parti. Attention, step numéro 2, première question. Qui a peint la... Indice, autoroute, à votre avis, Teddy? La Joconde? Oui, c'est la Joconde, effectivement. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, parce que autoroute, Vinci Autoroute. Ah oui, Léonard d'accord. De Vinci qui a peint la Joconde. Oui, effectivement. J'avoue, vu sur cet angle. Bordel. Vous êtes trop fort, Teddy. Ça me fait tousser tellement j'en viens pas. En vrai, si ça aurait pas été la Joconde, j'aurais pas trouvé. Alors là, vous avez remarqué que... En fait, dans cette étape numéro 2, vous n'avez pas directement la réponse. C'est-à-dire que vous arrivez à Léonard de Vinci, Léonard de Vinci qui a peint la Joconde. Voilà. Ouais. Dernière question du step numéro 2, où se trouve ? Indice, pas beaucoup d'argent pour la nouvelle année. Pas beaucoup d'argent pour la nouvelle année. Mon compte en banque. À votre avis, Teddy ? La banque ? Non. Ce n'est pas ça, quand on n'a pas beaucoup d'argent pour la nouvelle année, Daniel ? Alors moi, je dirais moi, parce que ma femme, elle a tout dépensé à la bijouterie du centre-ville. Bah, au Luxembourg, voyons. Ça n'est pas ça non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle année ? Comment on appelle l'argent qu'on obtient pour la nouvelle année ? Les étrennes. Oui, donc, Daniel, on n'a pas beaucoup d'argent pour la nouvelle année. Ah, c'est parce qu'on a affaire à des radins qui nous donnent pas de sous. Non, mais Teddy y était, hein. Donc ce n'est pas ça, Teddy. Donc des étrennes. Donc on n'a pas beaucoup d'argent pour la nouvelle année. Parce qu'on traîne. Non. Oh là là là là là. Vous y êtes presque, hein. Vous êtes presque. Une dernière proposition, Daniel. Oui, mais c'est dur. Ça se voit que le niveau est plus élevé. Ah c'est bah, dur, hein, plus ouais. Ça va, plus c'est dur, effectivement. parce qu'on est à l'avant-dernière question, hein. Ah, y'a pas de step 3? Si, y'a un step 3 juste après, justement. Alors, Daniel, à votre avis? Elle traîne. Oh là là! Elle traîne en centre-ville devant la bijouterie. Oh là là, c'est dommage, Daniel, vous avez niqué votre dernière proposition. À votre avis, Teddy? Ouais, bah j'ai niqué ce que j'ai pu. Traîne. Pourquoi il traîne? Qu'est-ce qu'il peut y avoir avec les traînes? Oh là là, vous y êtes presque, hein, c'est un cheveu! Les traînes Non, c'était pas ça. Évidemment, la bonne réponse, il s'agissait d'Indestar. Parce que indice pas beaucoup d'argent pour la nouvelle année, mal étrenne. Quand on n'a pas beaucoup d'étrennes. Et mal étrenne qui est le quartier où se trouve Indestar. Évidemment, il fallait être au taquet. Oh la vache. Voilà. Ok. Nous allons enchaîner avec le step numéro 3, le dernier step de dernier podium. Alors là, évidemment, vous allez comprendre que dans le step numéro 3, il n'y a qu'une seule et dernière question. Nous ne trouvons pas du tout la bonne réponse tout de suite. Il a un long, et je vous donne l'indice comme la question 1 avec 9 de moins. À votre avis, Daniel, il a un long. Il a un long. Si j'osais le dire, il a un long machin. Un long coup. Non, ça n'est pas la bonne réponse. Pensez à la question 1. C'est comme la question 1 avec 9 de un nez. Un nez, te dis ça. Putain, un nez, mais oui. Alors, mais attendez, c'est pas fini. Donc, il a un long nez. Qui suis-je? Indice. Cyrano de Bergerac. Non, rien Bergerac, à voir voilà. Avec Disney non plus. À voir avec un espace clos avec des élèves, par exemple. À votre avis, Teddy? Il a un long nez avec. Il a un long nez. Et l'indice, rien à voir avec Disney, à voir avec un espace clos avec des élèves, par exemple. Un espadon. Ah, mais pas du tout. Daniel, à votre avis, des élèves, on les met dans des. Mon ancien Cache. Prof de maths. Hein? Mon ancien prof de maths. Non, des élèves, on les met dans les. Teddy. Dans les bocaux. Mais où ils sont allés à l'école dans des classes. Alors ça n'est pas classe, mais on appelle ça aussi des collèges. Non, Daniel. Établissement. Alors ça n'est pas une classe, mais d'une de cours. Un de cours, oui, tu m'as pris de cours, ça y a pas de problème. Alors si ça n'est pas une classe, c'est une salle. Une salle de cours. Donc de qui s'agit-il? Il a un long nez. Salle. C'est salle. La salle. C'est trière. C'était. Teddy. L'assemblée. Mais non, mais vous êtes presque. Tout le monde, je suis sûr que vous l'avez à la maison. Salle de prof. Non, c'est un. Il a un long nez. La salle à manger. Il a un long nez. La salle. Demain. Non. Oh là. Oh, vous êtes nuls. Hein. C'était évidemment Jean Lassalle. C'était Jean Lassalle, évidemment. Ah, j'étais pas loin avec l'assemblée. Vous êtes à deux doigts. Vous étiez à deux doigts, Teddy, de vous prendre une claque dans la gueule. C'est dommage. C'est dommage. Ah, c'est Daniel qui la prend. Non, non, c'est personne, malheureusement. Ah bah cool. Personne n'est gagnant aujourd'hui pour le jeu Locum. Seul et unique numéro de ce fabuleux jeu. Aux questions un peu ardues, j'avoue. Mais vous en êtes sorti quand même, Teddy, avec 4 bonnes réponses et demie sur un certain nombre. Oui, tout à fait. Vous avez fait mieux que certains quiz. Je tiens à dire. Merci pour cette magnifique victoire. Vous avez fait mieux que tous les Jolades réunis. Alors ça, c'était pas dur. J'ai fait au moins le score de 5 Jolades réunis. Exactement, je vous en félicite. Eh bien, si vous voulez vous inscrire... Moi, je tiens à dire que j'ai été motivé pour la défaite parce que je voulais pas prendre de claques dans la gueule. Mais on comprend. On comprend votre engouement. Ah bah, le Big Deal offre une voiture, nous on offre des claques, c'est équivalent. En tous les cas, si vous voulez participer au... si vous voulez participer au Sholokoum, eh bien envoyez-nous un message au 3615 sur, évidemment, Minitel, on est ouvert. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Ou alors... vous pouvez nous écouter en podcast sur indestar.fr ou vous pouvez même venir nous rejoindre sur Indestar, c'est possible. Vous parlez un langage que je ne maîtrise pas. Mettez-moi une virgule, mon cher Teddy, pour terminer ce jeu parce que j'ai plus de voix. Voilà. C'est, ah bah c'est. Hein ouais, on va voilà. Petit bête. Ah, parce que le présentateur là, il avait de la voix. Hein. Ouais, il avait de la voix. Et il nous a dit de la merde. T'aurais dû écouter ça. J'étais absent pour le moment. Je comprends pourquoi il nous a fait un sujet raccourci tout à l'heure à Icardé pour maintenant. Hein. Évidemment. Et il a tout misé là-dessus. Ah, je misais tout sur le jeu. Je sens que ça va révolutionner l'industrie du jeu télévisé. Non, mais n'empêche, si vous avez envie de participer à Sholokoum, peut-être, quiz, ou autre chose. Oui, ou n'importe quoi, si vous avez un concept d'émission à proposer, allez, soyons fous. Ah oui. On est ouvert à Indestar. Bah alors, pas en ce moment, mais. La preuve. Non, alors on est ouvert, mais. On est ouvert de l'intérieur. Ouais. Oui. C'est bizarre dit comme ça. Non, mais on est ouvert. Vous pouvez nous contacter au... Alors, j'ai le putain de lampadaire devant. Qu'est-ce que tu veux dire? Le numéro de téléphone. 09 70 ne nous contactez surtout pas 407 306. Oui. C'est une erreur. Donc vous alors, 09 70 407 306. C'est un numéro qui est gratuit. Il y a également l'adresse mail qui est... Non, ça c'est pas une adresse mail. C'est pas une... Ah bah non, bah indestar.fr alors. Non, non, non plus. Ah non, indestar@life.fr, l'adresse mail. Ah bah oui, bah oui. Ah, oui, ah merde. Il y a un arrobase en fait dans une adresse mail. Ah, oui. Ah ouais, c'est vrai. Et le site internet, c'est lequel? Ah bah là, c'est indestar.fr. Ah, exactement, exactement. Et sinon, plus simple, hein, parce que pour les gens comme moi. Plus simple que indestar.fr. Ouais, ouais, ouais. C'est, vous allez sur Facebook et vous tapez indestar et comme ça, vous aussi, pourrez contacter ça les gens d'Indestar. Ça marche aussi, oui. Ah, ouais, ouais. Ou et sur Instagram. Sinon, ou sinon, vous tapez Teddy Félix. Teddy le boulanger, vous allez tomber sur son profil. Teddy c'est pas mal. Teddy Félandouille, c'est pas mal. Hein, ça oui, marche. Et pour réécouter l'adresse mail que vous n'avez pas forcément entendu à l'instant, eh bien, comment on fait, Teddy? Et eh ben vous pouvez l'écouter en podcast sur indestar.fr quand même. Oui aussi. Et vous pouvez entendre le Sholokoum. Vous pouvez retrouver le podcast aussi sur votre site de podcast préféré, application style Spotify, Deezer. Tout à fait. D'autres. Et Tutti Quenti. C'est bien Tutti Quenti. Et puis nous on se retrouve vendredi. Oui, avec, des surprises et plein de bonnes choses qui nous attendent, émission de pop culture évidemment. Avant vendredi, plein de bonnes choses à découvrir également sur indestar.fr avec toute la musique. Là où tout commence, c'est Indestar et on écoute Aidan avec Lights Up. C'est une reprise et c'est maintenant. On vous souhaite une très bonne soirée, on vous souhaite même une très bonne nuit. Ouais, des bisous. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.